Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère. Floodcast. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle. Oui, hein, bonjour, oui. Bonsoir. je me propose, enfin, une variante en fait, comme on parle de comédie. Oh là là, tout de suite il a mis le thème. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du Floodcast. Alors effectivement, Adrien le dit, un épisode un peu spécial, car nous allons parler de comédie française. C'est une sorte de hors-série où nous allons parler des, bah, je sais pas, des grands noms du cinéma comique, des grands films du cinéma d'humour en France. Alors on avait déjà enregistré une première partie de 3h30 hein, quand même, donc vous avez de quoi écouter si vous ne l'avez pas déjà fait. C'est l'épisode 31 de la saison 7 intitulé Chabat pour dire je t'aime. C'est un épisode où on avait parlé entre autres donc des films de Chabat, mais aussi du Splendide, de Fatal, de Brice Denis, de Podium, de Tom Parnasse, les trois frères. Bref, beaucoup de films ont déjà été abordés. Ça c'est le petit préambule, parce que si vous écoutez l'épisode et que vous dites mais même pas il parle de la Cité de la Peur, on en a déjà parlé dans l'épisode d'avant. Sachant que quand même, ce sera une liste pas exhaustive, on va essayer de parler un peu de ce qui nous plaît, des trucs un peu cultes, des trucs même parfois, ça nous fera sûrement des espèces de petits écarts pour justement conseiller ou parler de films un peu moins connus. Et s'il manque des trucs, on fera un épisode 3. Oh là là, aucun... En fait, on peut en faire combien ? 1000. Voilà, donc on a largement le temps. On a essayé de reprendre les invités de la dernière fois. Malheureusement, Vesper est désolée, elle n'a pas pu se joindre à nous. Je crois qu'elle allait dire décédée. Non, ce qui est quand même. C'est un peu cavalier. Je le mets comme ça vite. Malheureusement, elle est décédée. Mais on l'embrasse. Ouais. On l'embrasse fort. Mais nous sommes avec la team Calmos, David Honora et Hugo Alexandre. Bravo. Merci. Bonjour. Bravo à nous. Alors avant de commencer, petit big up à votre chaîne quand même, parce que maintenant, alors c'était, je me demande si c'était pas déjà un peu le cas la dernière fois, mais vous parlez plus que de comédie française, vous parlez aussi un peu d'autres choses, et vous avez sorti une vidéo il y a pas longtemps que je conseille à tout le monde, où vous parlez de AI de Spielberg. C'est vrai, on a élargi notre palette, hein. On est sorti de... Mais c'est vrai que je me souviens plus si c'était déjà le cas la dernière fois, parce que ça fait quand même un petit... Ça fait une petite d'un paye. An. Un peu plus d'un an. Ouais. On a démarré avec DiCaprio, on a fait une petite analyse de la filmo de DiCaprio, c'était le switch. Et effectivement, en fait, en plus, je crois qu'on n'a pas ressorti de vidéos de rigolo, donc de vidéos sur les comédies françaises depuis, et qu'on est dû... On avait déjà commencé à bosser dessus. C'est le prochain épisode sera sur les visiteurs. Oh. On va en parler un petit peu. Genre ça fait plus d'un an qu'on est dessus. Donc c'est énorme. Voilà. Et donc on a fait notamment ce concept original d'analyser AI de Spielberg en discutant avec ChatGPT. Donc je vous conseille la vidéo. Elle est vraiment très très bien. Franchement, elle est super. Allez checker ça sur YouTube. La chaîne Calmos. Et comment s'appelle la vidéo déjà exactement? La vidéo c'est on a analysé AI avec une IA. Voilà, parfait. Sans plus attendre, sautons, parce que voilà, on va essayer d'éviter de faire 3h30 déjà, bien parce sûr. Qu'à un moment, il va falloir rentrer chez nous. C'est ça. Pour commencer, j'ai décidé de parler des. Le cinéma français a quand même une spécificité, alors vous pourrez rebondir dessus. On va voir des auteurs parfois, c'est-à-dire qu'on va voir des comédies qui sont, parce qu'elles sont écrites par un auteur qu'on aime beaucoup, c'est un truc qu'on retrouve. Un peu moins aux États-Unis en tout cas récemment. Il y a peut-être maintenant Adam McKay et encore parce qu'il fait plus que des comédies. Maintenant il fait des trucs un peu plus larges. Mais en France on a vraiment des noms où tu dis je vais voir le nouveau film de un tel. Et je voulais commencer avec Francis Weber, voilà, un des plus connus. Francis Weber, alors c'est un scénariste réalisateur très connu. Donc il a fait entre autres La Chèvre, Le Dîner de cons, Les compères, Les fugitifs. Il a aussi écrit beaucoup de films. On en parlera aussi dans une deuxième partie parce que c'est assez fascinant en fait. Des fois les coups de main, des fois c'était juste Script Doctor ou des fois c'est juste repassé sur les dialogues, mais de énormément de films français. Il a commencé par ça, ouais. C'est ça. Un scénariste. Il est arrivé à la réalisation par frustration en fait, en c'est disant ils mettent pas correctement en scène les scénarios que j'écris, je donc tout à fait. Donc en fait je vais m'en occuper moi-même quoi. Et c'est ça qui est intéressant dans sa trajectoire. Alors Hugo, toi par exemple, c'est quoi ton film préféré écrit et réalisé par Francis Weber? C'est difficile à dire parce qu'il y a déjà Le Dîner de cons qui est, je pense, le film préféré de plein de gens. Et je l'adore aussi, je lui trouve aucun défaut. Mais j'ai un petit faible pour La Chèvre, okay. Qui est un film de 81 dont j'avais la VHS enregistrée sur TF1 sur magnétoscope. Est-ce que tu faisais pause quand il y avait les pubs? Ou est-ce que t'as quand même les pubs d'époque sur la VHS? Je regardais les pubs d'époque. Ah oui, d'accord, très bien. Ça fait partie de l'expérience. Okay, voilà. Non, je me le refaisais tous les 3-6 mois. Ouais. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Ouais. Donc ah ouais. c'est vraiment la quintessence du film de Tandem. Et c'est un film auquel plein de gens se réfèrent encore aujourd'hui. Et régulièrement, on parle du Tandem à la Weber. Et plein de gens essaient d'imiter cette alchimie qu'il y avait entre Pierre Richard et Depardieu à l'époque. Sans jamais les galer. Vous avez fait une vidéo d'ailleurs là-dessus sur les... Sur les tandems, ouais. Alors, on était parti sur Tais-toi, qui est un film qui arrive plus tard dans la carrière de Francis Weber. C'est, et notamment... c'est celui où Depardieu fait le con, en fait. Enfin, fait l'emmerdeur. Ouais, en fait. Voilà, enfin, il y a le tandem, parce qu'avant la chèvre... Oui, l'emmerdeur, c'est avant la chèvre. D'ailleurs c'est pas lui qui l'a réalisé, c'est oui, c'est d'accord, oui, voilà, c'est un scénario de... effectivement, donc c'est justement l'emmerdeur, la version film, c'est une des raisons peut-être qui a poussé Francis Weber à passer à la réalisation. Mais d'ailleurs il a fini par le faire lui-même, un remake avec Richard Berry et Tim Seed, Patrick Tim Seed, qui était bon finalement, qui l'a peut-être poussé à arrêter la réalisation. ce qu'on disait sur la chèvre, je sais plus du tout ce qu'on disait d'ailleurs. Oui, des tandems. Fait donc une vidéo sur Tais-toi, où effectivement, comme disait Adrien, il y a eu le switch, où en fait Depardieu, qui était plutôt habituellement notamment il y a eu une sorte de trilogie avec Pierre Richard, il y a trois films, où il était plutôt le clown blanc, le mec sérieux, ouais, le mec qui subit. Ouais, le mec qui subit, exactement. Ouais. Et il passe de l'autre côté de la barrière avec Jean Reno qui devient le mec qui subit et Depardieu qui est l'emmerdeur et qui s'appelle Quentin et qui vient de Montargis. Ça, c'est dans Tais-toi. Et ce qu'on expliquait dans la vidéo, c'est que le switch, c'était plus ou moins Le Placard. C'est un autre film de Francis Weber. Pignon est joué par Daniel Auteuil. Et Depardieu commence comme une grosse brute et il finit finalement à emmerder François Pignon. C'est donc, ça. Du coup, et Depardieu est très, très drôle dans Le Placard. Il joue un mec horrible, homophobe... fan de rugby, ce qui va pas forcément ensemble, mais bon, en tout cas, ça se marie bien chez Depardieu. C'est un cliché qu'on accepte, qu'on n'a pas du mal à accepter. Et non, il est très très marrant dedans. Il est très très drôle, Depardieu. Et ce qui est intéressant avec ces comédies-là, les comédies phares de Francis Weber, celles qu'il a écrites et réalisées, c'est souvent des high concepts. Il y a des pitchs de comédie en fait très efficaces, rien que expliquer le concept. T'es déjà embarqué dans quelque chose, et alors lui, il va aller au fond de tout ce que tu peux tirer comme comédie là-dedans, et c'est ça que je trouve génial. Et le pitch de la chèvre en lui-même, il est il est pas hyper naturel. Enfin, c'est un peu bizarre. C'est un concept, mais chelou. Très bizarre. Le concept, c'est que il cherche une meuf extrêmement maladroite. Ils ont perdu malchanceuse qui a disparu au Mexique. Et ils se disent, faut qu'on prenne le gars le plus malchanceux du monde pour la retrouver. C'est ça. Et donc en fait le patron, le riche patron qui est le père de la fille, a ce concept pour éventuellement trouver la personne. Ils font rentrer quelqu'un dans le bureau, donc en l'occurrence Pierre Richard, et il va aller s'asseoir sur la seule chaise cassée du bureau. Ah oui, c'est même un test. C'est le test. Ils savent qu'il y a une chaise qui est cassée. Ils lui disent, bon, si s'assoit sur une mauvaise chaise, c'est le bon gars, quoi. C'est le gars qui va nous amener à destination, quoi. Ouais. C'est ça qui est très fort chez Weber, c'est qu'en fait, il a des pitchs qui sont pas crédibles du tout, mais qui sont vraisemblables. C'est-à-dire qu'il arrive à t'emmener, il te prend la main et te dit, voilà, mon histoire, ça va être ça. Et il y va petit à petit, en fait. Ça commence le film, donc la fille, elle disparaît au Mexique. Après, il y a Depardieu qui est envoyé là-bas. Donc, c'est un détective, en fait. Et donc, il fait son métier et tout, mais il la trouve pas. Ouais. Et c'est un chef d'entreprise, en fait, dont la fille est perdue. Et il rencontre son psychologue d'entreprise et il dit, j'ai vraiment plus aucun espoir de rien, quoi. J'ai même vu des marabouts et tout, ils ont pareil aussi. Et c'est là où il te fait avaler le truc du psychologue d'entreprise. Qui a une théorie sur la malchance. Parce qu'il rencontre tous les employés de la boîte, il a rencontré ce gars qui a une malchance impossible, quoi. Et puis il y a le petit test avec la chaise cassée. Et là t'es embarqué dans le truc. Et t'as la troisième partie que moi j'aime beaucoup. On spoil la chèvre, hein, désolé. le film a un peu de d'âge, où il refile la chkoumoune à Depardieu. Aussi. Oui, toute la dernière partie où c'est lui qui devient la chèvre. Et tout le truc, c'est que lui, au départ, il croit pas du tout à cette théorie. Lui, il est un peu dans la peau du spectateur. C'est ça qui est bien joué. Ces conneries. Et en fait, plus il avance, plus il se dit, mais putain, mais c'est vrai ce truc. Il commence à avoir lui-même de la malchance aussi. Et... Oui, c'est vrai, c'est ça, en fait, tu mets le doigt dessus. C'est ce qui fait que tu l'achètes, c'est que t'as un perso qui n'y croit pas, qui dit n'importe quoi. Ça marche pas du tout. C'est très, très bien écrit. C'est pour ça que moi, toute proportion gardée, je le comparerais à Pixar, en fait. C'est-à-dire que t'as des concepts vraiment très, très forts qui sont pas rationnels, mais ils arrivent à nous le vendre avec là-haut, des trucs comme là-haut, même Toy Story. C'est-à-dire, en fait, tel concept, c'est les jouets existent où les gens organisent des dîners de cons et tu vois. Et en fait, le truc, c'est qu'ils respectent très scrupuleusement les règles du jeu. Les règles du jeu sont installées repose sur des trucs parfois un peu farfelus ou aberrants, mais jusqu'au bout du film, il va toujours respecter les règles du jeu et aller très loin dans tout ce que tu peux faire avec. Et c'est, y a un truc que je trouve pour le spectateur, au-delà de la comédie, qui est très ludique. Donc, où est-ce que ça va m'emmener, jusqu'où ça va, etc. Et c'est en ça que je rejoins ce que disait Hugo tout à l'heure. Pour moi, le Dîner de cons, c'est une pièce d'orfèvrerie de comédie. Quoi. C'est, c'est imparable, en fait. Alors, en plus, et ça rejoint une autre tradition de la comédie française, c'est que ça a été une pièce avant. Et donc, et ça, il y a plusieurs grandes comédies cultes françaises ont été d'abord des pièces. Et ça, en termes de comédie, ça permet de tester des choses, de rôder, de voir ce qui marche mieux. Et sur l'efficacité des gags, ça en fait un objet absolument, effectivement, parfait. Quoi. Souvent, c'est, ce qu'ils font, en plus, c'est qu'ils reprennent, en tout cas, une certaine partie du casting, du théâtre, Les Bronzés, Le Père Noël est une ordure. Un air de famille, enfin voilà, on cuisine, en cuisine indépendance. En fait, ils reprennent une partie du cast, en tout cas les principaux souvent. Oscar. Cuisine indépendance, c'était, je crois que quand on l'avait, enfin c'était une condition de Bacri qui avait, parce qu'il voulait pas prendre Sam Kerman, oui. Ouais. Et il a dit non, on fait le film avec les mêmes. C'est ça. Mais cela dit, dans le dîner de cons, raison plus d'adorer Bacri. Bien sûr, on y reviendra. Il y en a beaucoup. Mais ceci, je dis ça, mais dans le dîner de cons, c'était pas Thierry Lhermitte. C'était Daniel Prévost, c'est ça, c'est Claude Brasseur qui devait faire. Attends, j'ai quoi, Gérard Hernandez? Gérard Hernandez faisait le rôle de Daniel Prévost, c'est ça aussi. Donc en fait, il a surtout gardé le livret. Je voulais juste la chèvre. En fait, le concept est tellement. Enfin, c'est vrai qu'il est un peu bizarre, mais en même temps, un truc que j'avais remarqué moi en regardant The Office, c'est qu'il y a un épisode de The Office qui reprend exactement le concept de la chèvre. C'est-à-dire que t'as Michael Scott qui disparaît, ils savent pas où il est, et il y a Holly qui est donc la DRH, qui est aussi son intérêt amoureux et tout. Et en gros, ils se rendent compte qu'elle fait les mêmes conneries que lui, et donc ils disent On va la suivre. Et elle va nous mener. Et bon, effectivement, on spoil aussi un épisode. Mais effectivement, ils retrouvent Michael comme Ça. C'est très possible qu'ils aient vu le film, d'ailleurs, parce qu'en plus, Sûrement, Francis Weber, d'ailleurs, je crois qu'il vit encore aux États-Unis. Il a eu une carrière américaine. Il y a eu beaucoup de ses films qui ont eu des remakes. Alors justement, j'ai la liste devant mes yeux. Le dîner de cons. Assez fou, c'est quasiment tous en Amérique. Mais donc certains, il en a réalisé lui-même. Ouais, il a fait les fugitifs. Les Fugitifs, drôle, qui est drôle de père, c'est Ivan Reitman qui l'a fait, qui est remake des Compères. Et effectivement, La Chef, c'est un film qui s'appelle Pure Luck avec Danny Glover et Martin Short. Ah oui, donc ils ont aussi pu voir juste la version. Mais aussi, le remake du Dîner de cons, c'est avec Steve Carell. Oui. Donc peut-être qu'ils ont connexions. Enfin, voilà, ils ont peut-être vu des films de Weber. Et... C'est ça. Mais ce que l'a dit, vous dites high concept et tout, et je suis complètement d'accord avec vous. Et je pense que c'est pour ça d'ailleurs que tous ces films quasiment ont été adaptés aux États-Unis, parce que les États-Unis sont friands de high concept, de tu peux vendre le film en une phrase. Mais pour ce qui est du dîner de cons, ce que je trouve fou, c'est qu'il ne fait pas le concept. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dîner de cons. C'est-à-dire que c'est avant le dîner, il se bloque le dos et il reste bloqué avec son con. Et c'est d'ailleurs ce que fait le film remake. Il prend des grosses libertés. Mais tu vois le dîner des cons. Tu vois tous les cons autour d'une table être cons entre eux. Quoi. Vous l'avez vu le. Alors moi, j'ai pas vu le remake. Dîner for Schmucks. Alors, mais bizarrement, je l'ai vu genre. 4 ou 5 fois. C'est un très bon confort movie. Il y a un truc à la Adam Sandler où c'est pas incroyable. Bon, déjà, il y a Steve Carell dedans. Donc, qui moi, joue, c'est... qui est vraiment un vrai con. Comme dans tous ses films, parfait. Quoi. Ouais. Même si, voilà, quand le film est nul, il y a toujours Steve Carell dedans. Ouais. Mais oui, c'est un peu. Ce que j'aime pas trop, en fait, c'est que le personnage qui est joué par Paul Rudd, qui était joué par Thierry Lhermitte à la base, c'est pas un méchant, quoi. Alors que dans le dîner de cons, c'est un méchant, donc t'as envie de le voir se faire torturer pendant une heure et demie par un con chez lui, alors qu'il a un limbago. Alors que Paul Rudd, en fait, je crois que c'est ses patrons qui l'obligent à faire un dîner de cons et tout, si je me souviens bien. Et du coup, il y a une espèce de truc où tu te dis, mais laissez tranquille ce pauvre mec, quoi. Je crois que ils ont un peu, ils ont beaucoup américanisé le truc, où ils se sont dit, on peut pas faire en sorte que le perso principal soit vraiment un méchant, tu vois. Donc, je pense qu'ils ont, ils ont arrondi les angles un peu. Mais oui, en fait, il a quand même le choix, je crois, de faire ou pas le dîner de con. Mais en gros, je crois que c'est s'il veut sa promotion. Ouais, il se dit, ça, ouais. C'est bien que j'aille faire le dîner de con, mais donc du coup, il a un choix, et parce que ça permet après d'avoir un chemin personnel ou peut-être il regrette sa décision. C'est vrai que les bons sentiments peuvent parfois nuire à la comédie, quoi. Et pourtant, il y a aussi une tradition américaine, de comédie américaine, avec pas du tout de bons sentiments, quoi. Enfin, ouais, un peu méchant. Mais d'ailleurs, tout leur... on en avait parlé la dernière fois, mais ils avaient remaké aussi Le Père Noël est une ordure, et qui est pareil, beaucoup plus mignon et gentil, et film de Noël, que, avec qui ? Avec Steve Martin. Ah oui, joue Thierry l'ermite, et c'est Adam Sandler qui fait Preskovic. Preskovic. Ah oui, c'est ça. Et c'est réalisé par Nora Ephron, donc celle qui a fait Pretty Woman. Enfin, c'est devenu une comédie romantique du coup. Ouais, c'est ça. Non, c'est une comédie romantique, mais c'est beaucoup plus mignon et gentil, etc. Le Père Noël est un cœur tendre. Ouais, c'est ça. Mais parce que le dîner de con, moi je me souviens l'avoir vu au cinéma petit, du coup, parce qu'il est sorti en 98, je pense. Oui, je devais avoir 7 ans, un truc comme ça. C'est pas loin de Titanic. Ouais, c'est ça, où je l'ai vu à la télé, là derrière, et je me souviens que la fin me rendait très triste. Quand de pas la... voir le... Non, pas non, pas ça. Non, non, de... quand Jacques Villeray comprend que, qu'il est ridiculisé et que il l'apprend au téléphone de l'ex-femme de l'ermite, je crois, ou de je sais plus qui. Non, de, c'est de Marlène, sa sœur, de son amante. Mm. Et elle dit sa façon de s'amuser est horrible, un dîner de con. Et donc, t'as Villeray qui le regarde triste, dit à Thierry l'ermite, est-ce que vous m'avez invité à un dîner de con? Et la scène, elle est horrible, quoi. Bah, enfin, elle est triste et tout. Et... Je sais plus, je me rappelle plus comment ça se... Comment ça se finit du coup? Ah, alors ça se finit sur un freeze frame où il y a tout le monde qui fait oh, qu'il est con! Oui, c'est qu'il est con! Et t'as Georges Brassens. C'est mal parce qu'il y a cette scène dont tu parles où bah, c'est le climax, enfin c'est l'après-climax. Et après, finalement, Thierry l'ermite se repent et dit en fait, c'est moi le vrai con dans cette histoire et tout. Ouais. Donc une fin à l'américaine. Et juste après, t'as le truc où Villeray refait une dinguerie. Ouais, c'est ça. Le freeze frame et en fait. C'est sa femme rappelle et du coup il décroche tout de suite. Ouais, voilà. Il se ridiculise. Parce que juste avant, il a un moment de grâce en fait, Villeray. Il ment bien. Il sauve la peau et en fait, il regâche tout. Il regâche tout. Donc moi, c'est un film que j'aime beaucoup. J'en avais déjà parlé dans le podcast, mais c'est, il est peut-être un peu. Alors pour vous, vous le connaissez tous, mais je me dis peut-être pour les gens qui nous écoutent, est un peu moins connu. Il y a un remake qui a été fait pareil il y a pas très longtemps. Ça s'appelle, c'est un film qui s'appelle Le Jouet, avec Pierre Richard. C'est le premier film réalisé par Francis Weber. Et c'est un pitch que je trouve très très fort. Ah, là aussi, il y a un concept. Énorme concept, puisque c'est un gosse de riche qui a, enfin, son père lui offre tous les cadeaux qu'il veut. On sent que dans leur relation, le père est pas très présent. Enfin, en tout cas, il a un peu un truc de bah, je lui achète ce qu'il veut pour essayer d'exister un peu auprès de ses yeux, quoi. Et l'enfant va dans un magasin de jouets et voit Pierre Richard, je sais pas, il essaie de faire je sais plus quoi, j'ai un peu oublié. Et il croit qu'il est à vendre. Enfin, c'est même pas qu'il croit, c'est qu'il décide il qu'il dit, le veut. Je veux lui. Il dit je veux lui. Et donc, le PDG décide de payer ce gars en disant bah, vous êtes le nouveau jouet de mon fils. Et t'as une relation d'amitié qui se lie entre le gamin qui est un sale petit con au début. Et en fait, tu comprends pourquoi c'est un sale petit con. C'est ça que je trouve assez fort chez Francis Weber, c'est que sur des canevas extrêmement bah, très théâtre, en tout cas très high concept, les personnages existent vraiment, quoi. Je trouve qu'ils ont une profondeur. Il a toujours quelque chose de. Typiquement, Pierre Richard dans Le Jouet ou Le Gamin. Ils ont un truc au fond d'eux où t'y crois à fond, quoi. T'as envie qu'ils soient potes, c'est pareil, c'est un peu un côté Pixar, je trouve. Où t'as envie de. Enfin, quand ils sont ensemble, c'est trop mignon, quoi. Tu dis, bah, c'est un super père de substitution, etc. Et pareil, t'as une petite morale, mine de rien, sur la place qu'a le père vis-à-vis du gamin et tout. Et j'adore ce film. Et d'ailleurs, cette notion père de substitution, ça peut nous amener à moi. L'autre film que j'aime beaucoup de Francis Weber, c'est Les Fugitifs. Ouais. Alors lui, cette fois, c'est lui-même qui a fait le remake américain, qui est quand même, je trouve, beaucoup moins bien. J'ai Nick Nolte avec Nick Martin Short, quoi. Nick Nolte et Martin Short, ouais. Et donc là, le pitch, c'est que en fait, Pierre Richard a besoin de faire un braquage, mais il est nul dans cet exercice. Et en fait, au moment où il fait son braquage, il y a Depardieu qui lui vient de sortir de prison, se retrouve mêlé à l'affaire, et les flics croient que c'est Depardieu qui a organisé le truc. Oui, parce que lui, il est en conditionnel en plus, je crois. Oui, voilà, comme ça, ça le met dans la merde et tout. Il dit non, c'est pas moi, mais personne ne le croit, machin. Et donc en fait, ils se retrouvent tous les deux fugitifs, poursuivis par la police. Il y a plein de rebondissements. Et il y a un truc que je trouve intéressant, on a souvent eu un petit débat là-dessus, c'est qu'en fait, sur la fin du film, en fait, donc il y a un enfant dans l'histoire, et c'est la raison pour laquelle en fait, Pierre Richard avait organisé le braquage au départ. Et en fait, après tous les rebondissements, le film, ils finissent entre guillemets ensemble. Alors, c'est pas du tout, il y a rien d'explicite sur la relation, etc. Mais en fait, en sous-texte, c'est une enfin, ça raconte quelque chose de la parentalité. Potentiellement, ouais. C'est deux hommes qui finissent à la fin du film à élever un enfant ensemble dans une comédie extra populaire pour l'époque et ça et qui souligne rien. Il y a l'assistance sociale à la fin qui va lui retirer la gamine. C'est ça. Et donc ouais. Il y a toute une belle scène où ils font une sorte de kidnapping dans le ouais. dans l'orphelinat. Enfin, il y a tout un truc comme ça. Ouais. Et je trouve que c'est un film qui visuellement aussi est assez intéressant. Et effectivement, c'est une thématique qui revient. Oui, parce que les compères, c'est que ça aussi. Les compères, oui. C'est une meuf. Donc, on ne sait pas qui est le père. C'est ça, son fils fait fugue et a un peu des mauvaises fréquentations. Et donc, elle décide de demander à deux de ses amants de l'époque de partir à la recherche en disant aux deux, vous êtes le père de l'enfant. Mmh. Et donc, du coup, les deux se mettent ensemble pour... trouver le gamin. C'est dans celui-là où il y a la scène du coup de boule. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est dans celui-là. Je savais plus dans lequel c'était, mais c'est dans celui-là. Alors, Depardieu apprend à Pierre Richard à mettre des coups de boule. C'est ça. Mais c'est après qu'ils se sont engueulés, en plus. C'est ça qui est très mignon, en plus. C'est ça que j'aime bien, c'est que la scène est drôle, mais en plus, elle raconte un truc où Depardieu, il le joue trop bien. Il est genre. Bon, attends, je vais t'aider. Enfin, tu vois, il y a vraiment un truc. Pas dans les compères qu'il y a la fake news de du caméo d'Alain Chabat. Ah, je confonds avec un autre truc. Ah oui, il joue le blouson noir. Oui. Oui, oui, en fait, c'est pas lui. Oui. Lui-même a dit que c'était pas le cas. Mais il y a vraiment. Il y a un mec, c'est vraiment le sosie d'Alain Chabat. Vraiment, tu crois que c'est Alain Chabat. Ouais, c'est assez ouf. Donc, il a réalisé d'autres films. Vous avez parlé du placard. Après, en ce moment, je crois que Weber, c'est surtout du théâtre qu'il fait, puisque en fait, c'est ce qu'il a beaucoup fait aussi. Mais effectivement, les gens le savent peut-être pas. Il a beaucoup écrit sur les films des autres. J'ai maté sa fiche un peu tout à l'heure dans le Uber. Ouais, il y a plein de films. Je savais pas que c'était lui. En fait, il a commencé même comme ça. En vérité, il écrivait beaucoup pour les autres. Un des premiers films connus qu'il a écrit, c'est Le Grand Blond avec une chaussure noire, qui en plus, je trouve, ressemble vraiment à c'est réalisé par Yves Robert. Mais ça ressemble vraiment à du Francis Weber. Tu parlais d'Eye Concept. C'est un film que vous aimez bien. Moi, je l'ai vu très tard et j'avoue, du coup, j'ai pas de. Moi, je l'ai vu il y a très longtemps pour le coup, à l'inverse, donc je me rappelle plus trop. Moi, j'ai pas de lien particulier. En fait, je suis pas un grand fan des films, policiers. En tout cas, un peu dans cet univers-là. D'espionnage. Et un peu avec des barbouts à la française. Puis avec des gros gags aussi, quand même, très visuels. Après, il y a Rochefort qui est vraiment très marrant dans le film. Ouais. Mais c'est peut-être ça, justement, où c'est pas un film réalisé par Francis Weber. On comprend peut-être un peu Francis Weber qui a voulu, à un moment donné, réaliser ses propres films. C'est que tu sens que Pierre Richard est un peu en roue libre, quoi. Il y a des longues scènes où pendant 5 minutes, il fait du le clown, quoi. Ouais. Ce qu'il savait très bien faire dans les années 70. Moi, je suis pas trop fan de ce genre de jeu. Enfin, jouer comique, c'est ce que Francis Weber appelle jouer comique, et lui, ça le révulse, quoi. Il veut pas ça dans ses films. Ouais. Et notamment dans La Chef, justement, il expliquait que c'est la deuxième fois qu'il tourne avec Pierre Richard, quand même. Et particulièrement, il y a plein de scènes très drôles. Et en fait, il les joue de manière tragique, Pierre Richard, ces scènes. Et il est vraiment, il a le masque, quoi. Enfin, il en fait pas du tout des caisses comme le vous avez de la chance. C'est la scène, vous m'avez traité d'abruti, ça c'est vraiment, il la joue, mais. Et voilà, et en fait, ça décuple le comique quand il le joue tragique, parce qu'en fait, du coup, c'est un vrai personnage qui vit des émotions très fortes et qui vit un truc dramatique pour lui. Et c'est drôle grâce au contre-champ de Depardieu. Et en fait, dans le Grand Blond, il y a plus le côté clown et le côté. Je pense que l'écriture de Weber entre un peu en second plan derrière la prestation de Pierre Richard. Complètement. Mais d'ailleurs, c'est rigolo parce que Weber se plaint de. Enfin, c'est beaucoup plein de l'adaptation de ses scénarios, alors qu'en vrai, tu regardes La Fille de Vaux, c'est Verneuil, c'est Molinaro, c'est Lautner, c'est Yves Robert, enfin, c'est quand même des très grands metteurs en scène, quoi. C'est assez dingue. Il a bossé sur Le Magnifique également. Alors, je crois que tu as une anecdote sur Le Magnifique, Hugo, c'est qu'en fait, il est. C'est encore un cas où Weber déteste le rendu final, point qu'il ne voulait pas être crédité au final. C'est ça. Mais il ne l'est pas, il n'est pas crédité dans le générique. Les gens le savent, mais il n'est pas dans le générique. Ok. Ouais. Et il raconte que dès qu'il a rencontré De Broca, il dit qu'il y a eu incompatibilité d'humour avec nous. Ouais. Et donc, il savait que ça allait mal se passer. Et en fait, c'est vrai que De Broca, c'est beaucoup plus burlesque, beaucoup plus enlevé et tout. Et c'est pas être vraiment du comique de situation, c'est plus du comique de gag, du film d'aventure, etc. Et Weber trouve aussi que le casting de Belmondo marche pas, quoi. Prendre un mec qui joue les héros d'habitude pour jouer justement ce personnage qui est un anti-héros. Ouais. En fait, l'histoire, c'est un écrivain qui galère chez lui, qui a pas d'argent et tout. Et il est en train d'écrire, je sais plus si c'est un film, soit c'est des romans. Je crois que c'est un roman. Ouais. Il écrit des trucs comme des SAS, un peu des. Des SAS ou des OSS. Ou oui. Et en fait, il écrit ce qu'il aimerait être dans la vraie vie, quoi. Et donc, du coup, il se voit en héros, mais lui c'est pas du tout un héros. Et donc je pense que Weber il aurait plus vu Jacques Villeray ou Jean Carmet pour jouer un rôle comme mais ça. Mais là c'est rigolo parce que quand tu vois le film, tu sens que ce qu'amuse le plus de Broca, c'est plutôt les scènes rêvées où justement quand il y a un perso qui se fait tirer dessus, il y a une effusion de sang, de ça, cartoon, ça en fait des caisses. Belmondo, bah tout ce qui est tac tac badaboum, ça vient beaucoup de celui-là. Quoi. Non mais c'est vrai. Oui, il est vraiment, il bouge les épaules, il roule des mécaniques. Voilà. Je crois que d'ailleurs, il a jamais dit tac tac badaboum dans aucun film. C'est une invention. C'est les guignols. Apocryphe. Et un autre film que j'aime beaucoup. Alors on va parler très vite dessus, mais c'est Coup de tête. Ah oui, c'est ça que j'ai vu. Je savais pas que c'était lui. T'aimes beaucoup ce film, toi. Bah, j'adore De Verre, mais c'est vrai que j'ai vu tout à l'heure que c'était Weber. On peut raconter ce que t'as vite fait, Coup de tête. Coup de tête, c'est en gros un club de foot. Je crois que c'est en Bretagne. Enfin, en tout cas, c'est dans un petit village qui s'appelle Trinquant. Et il y a la gloire de la ville, c'est l'AS Trinquant, l'équipe de foot. Et il y a un accident de bus, si je dis pas de conneries. Du coup, il y a toute une partie de l'équipe qui peut pas jouer. Et du coup, ils ont un gros match et ils sont dans la merde. Et du coup, ils vont chercher en prison un mec qui a été emprisonné parce qu'il a été accusé de viol. C'est Patrick Devers. Et c'est un mec qui est censé... Alors, je dis qu'il est censé être... Enfin, dans le scénario, il est très fort au foot. Dans le film, on voit que Patrick Devers est vraiment un chien au foot. Ouais. Mais d'ailleurs, apparemment, il gueulait sur Jean-Jacques Hano parce qu'il l'avait un peu forcé à s'entraîner au foot. Et apparemment, Devers disait « Mais tu me fais chier avec ton foot de merde !» Et tout, parce que ça se voit qu'il n'a pas du tout envie d'y jouer. Et du coup, ils vont le rechercher. Ils le sortent de prison, en fait, par une magouille pour qu'il joue le match. Et après, c'est une histoire de vengeance où, en fait, parce que... lui il estime qu'il a été emprisonné à tort et du coup il va se venger de tous les gens qui l'ont mené en prison quoi. Et tu vois beaucoup aussi c'est un film sur la comment les gens réagissent au succès puisqu'au début il est traité plus bactère et en fait plus il va marquer des buts hein, plus ou moins c'est ça, enfin, en tout cas c'est ouf de faire ce scénario mais non enfin parce que je veux revenir un peu en arrière mais quand on disait que Weber en tant que réalisateur il voulait que les gens jouent très sérieux l'humour et tout et en fait c'est fou à quel point c'est moderne comme façon de faire de l'humour maintenant tous les gens qui sont un peu dans la comédie et tout ils disent justement se battent pour dire mais non faut jouer droit à la comédie et c'est comme ça que c'est drôle tu vois mais genre lui il était c'est presque visionnaire comme façon de faire de l'humour à l'époque et ce scénario là bah c'est fou à quel point ça parle à des problématiques actuelles quoi qui date de 78 peut-être et c'est vrai que il y a on va pas le spoiler parce que c'est un film un peu moins connu mais il y a une des meilleures dernières blagues de la comédie pour moi c'est genre t'as toute la fin et t'as une voix off qui dit une phrase à la fin je me rappelle plus je vous la dirai hors antenne mais vraiment c'est très marrant on parlait des happy ends un peu gâchés par une enfin pas gâchés mais avec une toute petite blague de fin alors celle-ci elle est vraiment folle. Elle est vraiment, vraiment folle. Mais moi, sur juste les films qu'on a cités, alors pour le coup, moi, ça reste un peu des madeleines d'enfance. Quoi. Il y a un truc, que ce soit Le Grand Blond ou Les Deux Broca, Le Magnifique, L'Homme de Rio, etc. C'est quand même des films qui... en fait, je comprends en fait, ce que Weber rejette chez ses réalisateurs, mais en fait, c'est aussi des réalisateurs qui sont des bons réalisateurs dans l'absolu. Peut-être qu'ils sont moins efficaces sur la comédie, mais par contre, ils vont obtenir des choses dans les scènes d'action, dans d'autres aspects du cinéma. Et la comédie de Weber est très particulière. C'est-à-dire que de très grands réals, enfin ça, on l'a vu plein de fois dans l'histoire du cinéma, des très bons scénaristes qui se marient mal avec des très bons réalisateurs, parce que d'un coup... moi, je sais que j'avais lu Aaron Sorkin. Il est pas très fan de Social Network, qui est quand même considéré comme, tu vois, un espèce de, qui est un chef-d'œuvre. Le scénariste est toujours un peu frustré du réalisateur qui réalise son truc. Quoi. Oui, parce que surtout si en plus t'as des velléités de réaliser, donc t'as toujours une frustration que ça corresponde pas à ce que tu t'étais imaginé. Bien sûr. Et il y a plein de trucs. Il y a le cas dans un autre domaine que Stephen King aime pas Shining, par exemple. C'est ça n'empêche pas que le résultat peut en tout cas plaire et moi c'est mon cas pour le Grand Blond par exemple juste d'ailleurs on l'a pas pitché mais c'est un peu une variante comique d'un scénario à la Hitchcock où en gros c'est un personnage qui tout le monde va croire que c'est un espion qui sait des choses etc alors que en fait il s'est juste trompé de chaussures ce matin-là il arrive à l'aéroport et tous les barbouzes disent en gros l'espion aura un signe distinctif voilà. Il aura une chaussure noire et et du coup lui vu qu'il se plante de chaussures on croit que c'est lui. Lui en fait c'est juste un musicien. C'est ça. Puis alors, il a un étui à violon donc forcément c'est forcément un dangereux criminel. Ouais, c'est ça. Et il y a quand même des qualités. Alors effectivement je comprends ce que Hugo peut trouver un peu limite dans le film, c'est aussi le côté effectivement trop Pierre Richard, c'est-à-dire ça repose trop sur son style comique, sur et parfois il en fait un peu des caisses et t'as pas le contre-jeu aussi fort que quand il est en tandem avec Depardieu qui voilà, apporte ce qu'on en parle souvent, le contre-champ de comédie. Mmh. Et c'est ce qui fait plus rire Weber. Mmh. Mais il y a l'à côté de la comédie qui, en particulier quand t'es enfant, est ce à quoi tu vas surtout accrocher. Et on parlera, je sais plus, dans Les Visiteurs, on va en parler. On va en parler. J'ai montré Les Visiteurs à mon petit-neveu. Et il a beaucoup accroché dans un premier temps sur le côté les chevaliers, bah ouais. Le côté action, etc. Et du coup, voilà, donc c'est des films qui fonctionnent sur ça, où c'est pas que de la comédie. Et par ailleurs, il y a une magnifique BO. Je trouve la BO du Grand Blond, elle est géniale. Et elle ne joue pas la comédie. Quoi. Enfin, elle est complètement à contre-emploi de l'aspect comique, etc. Mais c'est drôle parce que d'ailleurs on parle de Yves Robert ou de Philippe de Broca, mais c'est parce qu'en plus ils ont effectivement une mise en scène très vivante, alors que une des critiques que parfois certains détracteurs de Weber lancent, c'est que c'est du théâtre filmé, ce qui moi je trouve un peu rien dire, mais je vois ce qu'ils veulent dire, et que lorsque par exemple il veut faire le Jaguar, Francis Weber, c'est un peu moins réussi quoi, quand c'est une comédie d'aventure. C'était le film avec Patrick Bruel et Jean Reno, je crois. Oui, c'est ça. Moi, je suis moins fan du Jaguar, parce que d'un coup, je trouve que tout le côté aventure, il manque un peu. En fait, il sacrifie tout à la comédie. C'est ça. Weber, c'est vraiment l'efficacité comique. C'est ça qui va primer dans les choix de montage, dans les choix de mise en scène. Et en fait, on peut aimer en tant que spectateur qu'à un moment, une comédie se permette de jouer à fond l'aventure. Ah, c'est ça. Le magnifique, je trouve ça génial de ce point de vue-là. Et je ne suis pas du tout gêné par Belmondo, parce qu'en plus, pour le coup, Belmondo, je trouve que c'est l'acteur français parfait dans cette ambivalence-là, parce que effectivement, c'est le mec qui fait Peur sur la ville et tout, mais c'est aussi le mec qui fait À bout de souffle, Pierrot le fou. Il a une palette qui est pour moi parfaite pour jouer ce rôle. On va y revenir sur Belmondo. Je vous conseille juste un livre de Francis Weber qui s'appelle Que ça reste entre nous. C'est une autobiographie qu'il a écrite où il revient sur toute sa vie. Trop bien. On en parlait un peu hors antenne avec Hugo. Alors, c'est écrit par un monsieur qui est maintenant d'un certain âge, donc en plus, il a un côté un peu revêche parfois. Il lâche tout. Ouais, c'est ça. Que ça reste entre nous, le titre équivoque quoi. Donc ça chie un petit peu sur Yves Robert et Daniel Delorme. Enfin voilà, ça. Un peu tout le monde. Ça, ça envoie quelques rafales et en même temps, c'est passionnant. C'est passionnant parce que il a une vie folle ce gars quand même. Toute sa carrière aux États-Unis. Du coup, quand il a bossé pour Disney, il a vu passer quand même énormément de scénarios américains où il donnait son avis, etc. Et de voir juste la carrière de ce gars, on n'est pas allé dessus, mais il a aussi écrit La Cage aux Folles, tu parlais de Peur sur la ville, il a travaillé dessus, enfin voilà, la filmographie de Francis Weber est quand même extrêmement fascinante. Il y a même des trucs sur lesquels il n'est pas crédité, du genre des script doctoring sur Le Professionnel, ou Le Grand Bleu, ou des films comme ça. Ouais, Le Grand Bleu, c'est sur sa page Wikipédia, c'est fou, quoi. Non, c'est assez dingue, et comme tu l'as dit très justement, et ça on le verra avec d'autres auteurs là dans l'émission, mais il a quand même popularisé un genre à un moment, à savoir effectivement la comédie de boulet, je dirais, à savoir le binôme avec le clown blanc et le bozo, à savoir le relou et celui en face qui fait ce qu'il peut, le boulet en l'occurrence, en étant le film Le Boulet, je parle avec Gérard Lanvin et Poulvard, mais il y en a eu une quantité folle quoi, de post-Weber, des comédies comme ça. Mais ça aussi, je trouve que c'est vachement... visionnaire comme façon de faire de la comédie, parce que maintenant on dit beaucoup que parfois la comédie c'est plus dans la réaction des gens qui assistent au truc qu'elle réside, tu vois. The Office, c'est beaucoup ça, tu vois. Oui, c'est ça. Avec des regards génial, caméra en plus. Mais voilà, c'est ça. Et c'est fou que le mec il a. C'est fou quoi. Les chemins qu'il a déblayés, quoi. C'est incroyable. Il est très très fort. D'autres auteurs, alors voilà, on en voit la purée dès le début, après on parlera de plein d'autres choses. Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri. Alors voilà, il faut savoir que les gens autour de la table, je leur ai envoyé une petite question, disant vous pouvez faire une espèce de top 10 de films. Et celui d'Adrien Méniel, il y a 3 films de Jaoui Bacri dans le top 10. Oui, tu l'as retrouvé. J'ai retrouvé. Alors très vite fait avant, parce que bon, pareil, il y a beaucoup de choses, on a déjà passé beaucoup de temps sur Francis Weber et en même temps, voilà, il y a beaucoup de choses à aborder, mais Jaoui Bakri, effectivement, c'est des auteurs de théâtre aussi. Ils ont écrit des films pour Alain Resnais au tout début, alors que moi, je vais être très honnête, j'ai pas vu Smoking No Smoking. Mmh. Vous l'avez vu Ouais. Ouais. C'est pas franchement. Enfin, c'est une comédie très très très particulière. Enfin, c'est pas. C'est très long déjà. Enfin, c'est un peu. C'est, ouais, c'est ouais. Très concept en fait. Ouais, c'est Sur le spectre, on est plus film d'Alain Resnais que ouais, c'est comédie. Ouais, c'est ça. De Jaoui Bakri. Mais d'ailleurs, je pense que Agnès Jaoui, elle a eu un peu le même. Enfin, j'ai l'impression le même parcours que Weber dans le sens où. Je pense qu'elle a eu un peu des frustrations et c'est pour ça qu'elle s'est mise à réaliser après. Bah, en tout cas, en interview, elle dit beaucoup que c'est Alain Resnais qui lui a donné envie de réaliser, mais plutôt dans le voyant travailler. Mmh. Elle a pas trop mis en avant le côté. Par contre, Bakri arrêtait pas de lui dire faut que tu réalises. Oui, oui. Ouais, ça c'est vrai. Bakri arrêtait pas de mais la motiver. En tout cas, sur les films, sur leurs films réalisés par d'autres, je crois pas qu'ils aient trop eu de réserve ou qu'ils aient eu de frustration. Non, d'ailleurs, ils ont retravaillé avec René après. Ils ont fait On connaît la chanson, qui pour le coup est beaucoup plus drôle, enfin beaucoup plus. C'est beaucoup plus mais une comédie. C'est très concept aussi. On peut quand même expliquer aux gens ce que c'est, puisque les gens parlent à quasiment 80% en chanson. Mmh. Bon, ah ouais. Ça quand même. Oh, beaucoup, ça, c'est, hein. On connaît la chanson. On connaît la chanson. Il y a beaucoup de chansons. Ah, il y a beaucoup. Ah ouais, moi dans mon souvenir, il y en a pas tant que. Ah si, alors moi j'ai rematé. Des trucs courts quoi. C'est ça. Alors pour expliquer aux gens, c'est il y a plein de phrases de dialogue qui sont en fait des chansons connues, mais des phrases quoi. Mais c'est pas, ils les jouent pas. C'est-à-dire que c'est la vraie chanson qui démarre. Et ils font un play. Et ils font du lip sync. Ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Mais moi je l'ai découvert il y a pas longtemps. Il y en a. 80% je suis c'est excité. Improbable ce mais... film. Eh ben, genre, il était sur Amazon à un moment, dis-toi. Ah ouais, ouais. Parce que moi je le cherche, mais même genre je le trouve même pas en pirate quoi. Non mais il y a des films très durs à trouver comme nulle ça. Part. Les Bronzés par exemple, il est très dur à trouver sur les services de streaming et tout machin. Heureusement, il passe tous les ans sur TF1. Je pense que c'est lié d'ailleurs. C'est peut-être ça, ouais. Ouais. Mais bon bref, et donc On connaît la chanson, c'est très concept aussi quoi. Du coup, c'est quand même. Ouais. Ouais. Mais alors No Smoking, en fait, le concept c'est. Déjà, c'est deux films. Oui, alors c'est un diptyque. Et en fait, le début des deux films est le même. Et juste à un moment donné, Sabine Azéma doit choisir entre fumer et pas fumer. Et c'est le point de départ des deux films. Et après, il y a plusieurs petits aiguillages comme ça au fil des films. Et donc, tu vois tout ce qui aurait pu se passer selon plein de modalités, selon si y a un tel qui sonne à la porte ou pas, etc. Mmh. Et donc, en fait, c'est un peu un film de geek. C'est du Dan Harmon presque, un peu. Il y a un épisode de Community comme ça où il jette un dé et t'as les six histoires parallèles. Mais sachant que Alain Resnais était allé les chercher, il faisait déjà du théâtre, puisqu'en vérité, Cuisine et Dépendance, ça date de 91. Et la pièce, je parle, pas le film, parce que le film, c'est 93. Cuisine et Dépendance, c'est leur premier film écrit par Jaoui et Bakri. Donc tu l'as mis dans ton top, Adrien. Est-ce que tu peux un peu expliquer ce que c'est et ce qui te plaît dans ce film? Voilà. Ben, en fait, le truc, c'est que l'histoire, beaucoup de. Enfin, il y a. À pitcher, c'est pas du high concept pour le non. coup. Mais en gros, Cuisine et Dépendance, c'est. Il y a encore ce thème de la célébrité un peu qui est même vachement abordé, mais en gros, donc t'as Bakri, le personnage joué par Bakri, qui est hébergé, qui est un mec un peu très sombre, un peu dépressif et tout. Bakri, qui est, voilà, ouais. Qui est en fait, il vit temporairement, mais on comprend que ça fait un moment que ça dure et que le personnage joué par Zabou Breitman, donc qui est la femme du couple qui l'héberge, aimerait bien qu'il dégage, quoi, en gros. Et y a un dîner qui est organisé donc chez le couple et on sait deux choses. On sait que le mec, c'est un couple qui vient dîner à la maison et le mec est un présentateur télé star très connu, très showbiz et tout, et sa meuf c'est pas l'ex de Bakri, mais on sent qu'il y a eu un truc qui s'est pas passé entre eux, etc. Et en fait il y a toute une partie du film qui est l'attente de leur arrivée parce qu'ils arrivent en retard. Et après, il y a. Mais c'est là pour le coup. Sachant qu'on ne voit jamais le dîner. On ne voit jamais le dîner, on ne voit jamais le mec. Ouais, c'est ça. Et là, bon, pour le coup, on sent vraiment le côté théâtre filmé pour le coup, parce que ça, c'est vraiment. Tout se passe dans la cuisine. Ouais, c'est un huis clos. Enfin, dans le film, ils mettent vite fait. Il y a une scène dans la chambre où Sam Karman et Zabou discutent, mais on sent que c'est vraiment. C'est écrit pour un lieu unique. Ouais, dans la pièce, tout était dans la cuisine, effectivement. Ouais. Ouais, et donc là, je pense qu'il s'est dit, bon, je vais rajouter des trucs, mais bon, clairement, ça aurait pu être un huis clos et c'était bien, quoi. Mais bah, ce qui me plaît, c'est dur à dire, quoi, parce que c'est vraiment... Bah, pour décrire Jean-Louis Bacri, il y a quand même un sens du dialogue. Il y a un sens du dialogue et il y a un sens de la justesse dans les rapports humains. Quoi. Enfin, c'est-à-dire que c'est... La sociologie, presque. Aussi, ouais, c'est, voilà, c'est ça, la c'est... manière de capter les comportements des gens. En fait, là, typiquement, le fait... en fait, c'est beaucoup de trucs un peu indicibles. En fait, c'est le fait qu'un couple un peu bourgeois reçoit une célébrité et l'état dans lequel ça les met de recevoir une célébrité. Est-ce que ça fait et c'est plein de petites subtilités. Et donc tout le spectacle en fait, ils se mettent en scène parce que ça leur fait quelque chose de recevoir quelqu'un et ça rejaillit sur eux. Et en même temps, il y a le personnage de Bacri qui, lui, est énervé et n'en a rien à foutre. C'est l'envers du décor du dîner, surtout. C'est que si on montrait le dîner, on verrait des gens un petit peu guindés qui n'osent pas trop parler et tout. Et dès qu'ils sortent du salon et ils arrivent dans la cuisine, la pression se relâche. Ces fameux retours en voiture quand t'es avec ta meuf et que tu reviens à la cuisine et que tu chies sur tes amis pendant 10 minutes. Bah là, c'est ça, mais dans une cuisine. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est. Enfin, on disait que par exemple, Coup de tête, ça parlait de célébrité, comment les gens. Mais là, c'est à une échelle. C'est à l'échelle de toute une ville. C'est très grand. Mmh. Et en fait, ce que j'adore, mais c'est souvent ça justement dans leurs films, c'est que tu mets vraiment une loupe. Enfin, là, c'est quelques personnes. Mmh. Et du coup, c'est vraiment. Là, tu vois vraiment précisément tous les fonctionnements, les façons de penser des gens et tout, de façon très intime en fait. Là où d'autres films pourraient le traiter de façon un peu plus. On parlait de Weber qui lui va créer des vraies scènes, tu vois. T'as la scène de Juste le Blanc, t'as la scène de machin. Eux, ils ont pas ce truc de la scène, c'est des discussions, rencontres, c'est des persos entre eux. Tu peux avoir des moments cultes. Enfin, moi, la scène où ils réservent l'hôtel, Bacri, c'est incroyable. Il y a une réplique qui est culte. Moi, c'est. Enfin, je dis souvent que j'ai découvert le sarcasme avec Bigard, le sketch de. Du 11 septembre, qui le lâcher de salope. C'est pour dîner, non, c'est pour faire un tennis connard. Mais il y a une réplique de Bacri qui me tue de rire. C'est. En gros, ils sont en train de regarder. En fait, le personnage de Zabou Bratman demande à son mari, Sam Carman, d'aller regarder si le plat est cuit dans le four. Et donc, ils sont tous les trois regardés. Et il ne sait pas, il dit oh, je ne sais pas, il faut que je le sorte du four ou pas. Et Bacri, il dit bah, ça dépend, si c'est un plat qui se mange cramé, il faut le laisser encore un peu. Mais cette réplique, elle est géniale, quoi. Mais là, on revient sur ce truc du théâtre, je pense. Que ce qui est génial avec le théâtre, c'est ce que disait par exemple Patrice Lecomte quand il parlait des bronzés, c'est que. Bah oui, c'est des super vannes et des super répliques, elles ont été testées des centaines de fois, parce qu'on parle pas de... Vous imaginez bien que si elles sont adaptées au cinéma, c'est que c'est des pièces de théâtre qui ont surcartonné, qui ont été jouées des centaines de fois. Le Cuisine et Dépendance, mais c'est le cas d'un air de famille, ça a reçu des Molières et tout. Ouais. C'est que, voilà, t'as des vrais rires dans la salle qui était là, donc forcément quand ça passe au cinéma, Et pour le coup, dans le cas de Cuisine et Dépendance, comme pour Les Bronzés, avec le même cast. Exactement, le même cast. Donc voilà. Eux, en plus, les répliques qu'ils ont tournées, ils les avaient déjà dit des centaines de fois. Le même cast à la demande explicite de Bacri, qui parce que à la base ils voulaient changer le cast. Et effectivement, il y a un truc qui rejaillit dans leur film. Et alors, je dirais encore plus dans un autre de leur film, c'est qui est Le Goût des Autres. On va y venir, dans leur style, tu vois que c'est des gens attentifs en fait, attentifs presque. Je sais pas, quand t'es typiquement à un dîner, mais c'est le type de situation, ils vont voir qu'il y a une personne qui parle pas ou qui fait un truc bizarre. Et ce genre de détail, ce genre de truc d'être attentif aux autres, c'est vraiment leur marque de fabrique. Ça parle de l'observation qui est extraordinaire. Mais pas que l'observation, c'est l'observation, mais il y a un truc, actif dans l'observation qui fait que tu es sensible en fait tu te mets un peu dans la peau des autres, tu dis bah lui par exemple il est saoulé mais pourquoi ou qu'est-ce qu'il y a ou elle a l'air triste, qu'est-ce qui se passe dans sa tête et qu'est-ce que qui est hyper forte dans leur film et qui est donc qui en elle-même est pas forcément matière à comédie, même si souvent ils s'en servent pour la comédie. Par exemple, il y a aussi un échange marrant avec Zabou Bretman et Agnès Jaoui sur l'horoscope. Ouais, génial. elle part, donc t'as Zabou Bretman qui part sur l'horoscope. Genre, les scorpions. C'est les pires. Et sinon, toi, t'es quel signe? Scorpion. Et ce genre de petits trucs qui sont vraiment des super matières à comédie. Ouais. Mais au-delà de ça, t'as aussi effectivement ce profondeur sociologique de ouais, capter comment les gens sont les uns par rapport aux autres et qu'est-ce qui est parfois pas cool en fait dans nos manières de nous comporter. Et moi ce que j'aime beaucoup c'est qu'il y a une absence de jugement tout en faisant pas de cadeaux aux persos, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des vrais débiles, des vrais cruels, des vrais machins. Mais bizarrement, ils les jugent jamais, quoi. Et tu dis tant qu'ils sont, ils ont toujours leur petit moment de grâce. On y reviendra sur Un air de famille, où je trouve que le personnage de Catherine Fraud, il est assez sublime pour ça. C'est qu'il y a toujours un truc où tu sens qu'il y a beaucoup de respect et d'amour pour leur personnage. Et tu sens qu'ils ont beaucoup travaillé. C'est pas cynique, en fait, quoi. C'est exactement, jamais cynique. Ouais. Exactement. Et ce qui fait que si toi, t'es aussi attentif en tant que spectateur, ça, tu vas être moins agressé et tu vas aussi potentiellement mieux te remettre toi-même en question sur quand tu vas identifier un comportement qui met mal les autres. Enfin, j'ai envie de penser que du coup, tu vas aussi toi essayer de dire peut-être la prochaine fois, je vais essayer de m'améliorer. C'est de l'écriture de personnages qui est vraiment fascinante. Et outre leur talent d'écriture, c'est des gens qui font. Alors, il y a eu le théâtre, mais même dans leurs films d'après, ils font beaucoup de répétitions. C'est un truc qu'Agnès Jaoui a toujours mis beaucoup en avant. C'est qu'il n'y a pas vraiment d'impro sur le plateau, mais il y a beaucoup, beaucoup de répétitions. Et alors, c'est pas pour faire du name drop, mais Yvick nous avait raconté qu'il joue dans Place Publique, Mister V, qui joue dans Place Publique, d'Agnès Jaoui, coécrit aussi avec Jean-Pierre Bacri. Disait qu'ils lui avaient beaucoup parlé, quoi, parce qu'il jouait un espèce de personnage un peu youtubeur, en tout cas jeune, jeune star, et qu'il y avait beaucoup, beaucoup de discussions et d'échanges et de trucs, parce que justement, il voulait pas avoir l'air d'immenses boomers. Enfin, tu vois, il y avait vraiment un truc de créer des personnages crédibles. Crédibles, auxquels tu crois et auxquels tu peux t'attacher. Et je trouve que c'est très présent dans leur film. Il y a un film dont on parlera peut-être un peu moins, qui est un peu moins célèbre, mais moi, il y a un film que j'adore d'eux qui s'appelle Comme une image. Et que je trouve très très fort aussi là-dessus sur le passage de Marie-Lou Berry. C'est des personnages qui sont vraiment incroyablement écrits, quoi. Globalement, tous ceux qui ont bossé avec eux souvent ont des retours assez dithyrambiques sur l'expérience, que ce soit Bacri ou Jaoui. C'est ça. Hugo, toi, il y a un film que tu aimes particulièrement du duo? Moi, j'adore tout ce qu'ils ont fait. Enfin, peut-être un peu moins les derniers. Notamment Place Publique, qui est le tout dernier. On sent qu'ils sont un petit peu plus... Moi, j'adore. Ils sont moins aux prises avec l'époque, justement. Ouais. C'est peut-être pour ça aussi qu'ils ont essayé de faire venir des gens plus jeunes, peut-être pour un peu avoir du consulting, finalement. Il y a juste un truc qu'on n'a pas dit, c'est pendant très longtemps, ils ont été ensemble, en couple. Ils étaient en couple. Ce qui n'était plus le cas au moment. Sur la fin. Oui, ils étaient toujours partenaires d'écriture. Mais dans Place Publique, Jean-Pierre Bacri bouge la tête sur du Kenny Arcana, qui est quand même un très beau moment de cinéma. Mais qui vaut... Bacri qui écoutait beaucoup de rap. Oui, il était très lui, très rap. Dans Place Publique, il danse sur du Kenny Arcana et il chante du Bachung. Moi, pour moi, il y a tout ce que j'aime dans un film. Et puis il fait Yves Montand mal fait aussi. Pardon, excuse-moi, Hugo. Mais en fait, le personnage qu'il joue, c'est une espèce de pseudo hardisson. Et j'ai l'impression qu'ils ont voulu se le faire un peu, quoi. Il joue un peu le perso de Cuisine et Dépendance qu'on voit jamais, quoi. Donc il y a peut-être un peu moins d'empathie pour ce personnage-là. Mais j'aime beaucoup. On a parlé de Cuisine et Dépendance. On a fait une vidéo là-dessus, d'ailleurs, aussi. Où on parle un peu de tous leurs films. J'aime beaucoup Un air de famille aussi, qui est réalisé par Cédric Lapiche. C'est pareil, c'est un huis clos en fait dans un bar. C'est même pas un bar, c'est un bar fermé. C'est le bar de Jean-Pierre Bacri. Et lui, il est en crise de couple. Il y a toute sa famille qui vient pour l'anniversaire de sa belle-sœur. Lui, il est au fond du trou et il veut qu'il se barre le plus possible. Mais c'est ce que j'adore aussi, parce que beaucoup de gens disaient, je comprends d'ailleurs que Jean-Pierre Bacri, c'est le ronchon, etc. Mais dans ses films qu'il a écrits, il joue toujours des classes sociales différentes, des métiers. Il a quand même toujours. Il a fait des rôles très différents. Je suis d'accord, moi, ça m'agace un peu quand on dit Bacri joue toujours la même chose, parce qu'en fait. Il joue pas toujours la même chose du tout. Enfin, il a une façon de s'exprimer qui est à lui et à la limite tant mieux qu'il essaye pas de faire autre chose. Mais après en termes de personnage, il a joué des trucs ultra différents. On l'identifie beaucoup à son rôle de cuisinier dépendance en fait. C'est ça qu'on projette sur lui. Mais après, Un air de famille, il est pas très joué non plus. Mais le truc, c'est que c'est des personnages en crise toujours. Enfin, il n'y a pas de comédie si le personnage n'est pas en crise. Ouais. Et lui, c'est comme ça qu'il interprète les personnages en crise. C'est des mecs qui sont un peu énervés. Celui qui est le moins comme ça, c'est Le Goût des Autres. Ou en vrai, il est assez peu énervé dans Le Goût des Autres. Il est même amoureux. Ce qui est assez rare dans leurs films. Je me suis fait la réflexion il n'y a pas si longtemps. C'est que c'est des films assez froids en fait. Il n'y a pas d'embrassade, il n'y a pas de scène de cul, c'est vraiment c'est très très froid, il n'y a pas beaucoup d'amour, enfin, ou alors très très, euh, très discret et très subtil, quoi. Ouais. Et ouais, c'est dans Le Goût des Autres, c'est l'une des rares fois où ça raconte une histoire d'amour, en fait. C'est ouais. lui, il tombe amoureux. Donc lui, c'est, enfin, l'histoire, c'est un mec, ça se passe à Rouen, je crois, ouais. qui est un chef d'entreprise et voilà, il a pas le temps pour la culture et tout. Et en fait, ça c'est sa prof nièce. D'anglais. Ah non. Non, au départ, c'est sa nièce qui joue dans une pièce de théâtre qui joue Racine. Ouais. Et au départ, il y va à reculons, il est putain. Et en fait, il est fasciné par une actrice dans la pièce. Et bah, au départ, on ne sait pas si c'est vraiment de l'amour ou pas, mais en fait, ou si c'est l'art qui le touche. Ouais, c'est ça aussi. Mais en fait, c'est les deux. C'est ça qui. Faut dire que c'est un beauf. Enfin, le mec, c'est-à-dire ouais, que c'est un mec où tu sens que c'est pas du tout. Oui, oui. Il a jamais regardé de théâtre, il en a rien à foutre. Et... Il a un truc un peu homophobe, il est. Enfin, ouais, voilà, bah, il est. Oui. Non, mais. Non, non, mais oui, scène, oui, non, mais bien sûr, penses, oui, mais. Il a un peu fond de cale, quoi. C'est ça, c'est ça. Et justement, sa target, elle se dit, mais c'est un beauf, de toute façon. Ouais. À aucun moment, elle se dit, il a vraiment aimé la pièce qu'on a joué. Ouais. Et en fait, c'est tout le truc du préjugé que t'as sur le goût des gens parce qu'ils viennent de tel milieu, etc. Le mépris, en vérité. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais, c'est vraiment le goût des autres dans les deux sens. C'est ouais, le goût qu'ils ont et le fait de s'intéresser aux autres. Ouais. Et ils montrent des gens qui s'intéressent aux autres, même si ils n'ont pas forcément les mêmes goûts, et des gens qui se disent tout de suite, bah ouais, non, mais on n'est pas du même milieu, donc on n'a rien à faire ensemble. Et on voit aussi particulièrement dans ce film le côté attentif dont je parlais tout à l'heure, notamment parce que le film, même si la trame principale, c'est ce que vient d'expliquer Hugo, s'attarde aussi sur des personnages secondaires, et notamment sur le chauffeur et le garde du corps. En fait, et aussi la barmaid jouée par Anaïs Jaoui, qui a aussi sa propre histoire, etc. Oui, et en fait, qui est un peu dealeuse. Oui, qui est un peu dealeuse, et puis qui a une histoire avec Gérard Lanvin, qui lui est un ancien flic, ou je sais pas quoi. Ouais. Et qui est le garde du corps du personnage de Maxime. C'est ça. Et on suit tous les personnages, ils ont chacun leur histoire, leurs propres trucs, qui sont résolus à la fin. C'était la grande mode début 2000, ça. Des trucs, des films chorales, on appelait ça, Magnolia, des trucs comme ça. Et là, c'est un peu ce truc-là, où t'as plein de persos. Parce que même les. Il y a le perso d'un air de famille qui joue justement ce. Alors, est-ce qu'il est. Je sais plus si c'est lui qui gère le truc d'art, mais qui joue le pote Vladimir. Ah oui, Yordanov. Voilà, c'est que j'adore, un acteur incroyable. Et t'as plein de second, même de troisième rôle comme ça, mais les persos existent, quoi. Enfin, ils ont beaucoup de soin à tous les personnages, quoi. Et ça, c'est un peu leur logique de troupe, quoi. Enfin, ça vient aussi un peu du théâtre, tu fais enfin, tu donnes à tout le monde. C'est peut-être pas forcément le cas dans toutes les troupes, je sais pas, mais en tout cas, c'est leur logique à eux, quoi. Oui, parce que ils avaient souvent ce truc de, ils rencontrent quelqu'un qu'ils aiment bien, donc ils font bosser, puisque Chabat, alors Bakri, il a participé au Nul, etc. Mais il venait de faire Didier avec Bakri, et donc du coup, t'as Chabat que tu retrouves dans Le Goût des Autres. Enfin, c'est assez cool à ce niveau-là de retrouver des têtes comme ça. Et d'ailleurs, l'actrice principale du Goût des Autres, d'ailleurs, j'ai oublié son nom, mais c'est Anne Alvaro. Ouais. Voilà. Mais c'est une actrice de théâtre essentiellement. Oui. Qu'ils ont été cherchés. Oui, et elle disait même qu'elle était hyper. Enfin, elle était hyper surprise qu'il l'ait appelée parce qu'elle disait, mais moi, je crois qu'elle avait limite pas fait de cinéma. Je dis peut-être une connerie, mais je me souviens d'une interview où elle disait limite, non, mais je vais pas y arriver. Ils ont dit, si. Enfin, ils ont vraiment insisté. Ils ont pas du tout l'esprit de Chapelle, et notamment parce que Agnès Jaoui a commencé sa carrière au théâtre des Amandiers de Patrice Chéreau, qui était un truc très très intello, et elle a vraiment très mal vécu ce truc parce que, enfin, elle se sentait pas avoir la culture pour faire ce truc, et apparemment Chéreau était pas facile avec les acteurs et les actrices, et donc du coup elle a voulu aussi parler de ça dans ce film, et pas du tout reproduire cet esprit de Chapelle qui l'a fait beaucoup souffrir à l'époque, quoi. Et Bakri, c'est pareil, il a navigué dans plein de milieux différents, parce que quand il y a Cuisine et Dépendance, c'est presque la plus grosse star, Bakri, en fait, parce qu'il a déjà fait Le Grand Pardon, il a déjà fait Mes Meilleurs Copains, enfin voilà, il a déjà fait des gros films qu'on cartonnait. Bien sûr, où il joue Batman. Il a eu un peu de mal à se sortir de. Il était un peu typecasté, pied noir. Après Le Grand Pardon. Et au début de sa filmo, il était beaucoup dans des rôles comme ça, et il a eu un peu de mal à sortir de ça. Ouais. Il se battait d'ailleurs, mais on en parlera sur mes meilleurs copains. Je vais y arriver, à chaque fois je dis mes meilleurs amis. où justement pas, il joue un personnage homosexuel et il s'était battu un peu avec Poiré pour la façon de jouer, mais on y viendra. Agnès Jaoui, il y a un film que j'aimerais conseiller d'elle qui est dans lequel, alors qu'elle n'a pas écrit mais dans lequel elle a joué, qui est sorti il y a pas longtemps, qui s'appelle Aurore. Et c'est un film que je trouve vraiment vraiment cool, qui est un peu dans cette sensibilité quand même justement de tout ce qu'on parle depuis le début. C'est celui avec Géraldine Nakache Alors, c'est un film qui date quand même de 2017. Ah oui, okay. Donc voilà, il date un petit peu. C'est avec Thibaut de Montalembert et en fait c'est sur une meuf qui en fait découvre la ménopause en fait. Enfin, elle devient grand-mère. Enfin, c'est vraiment une histoire sur une nana de 50 ans quoi. Et c'est un truc que j'avais pas trop vu au cinéma. Juste des actrices de plus de 50 ans de rôle principal qui traite vraiment ce truc là à fond, de devenir grand-mère, d'avoir les bouffées de chaleur, enfin tu vois vraiment le corps qui change de la ménopause, avec quand même de l'humour, etc. C'est un film de Blandine Lenoir et je sais pas sur quoi il est dispo, mais voilà, je vous invite à regarder ce film. Elle a fait Annie Colère récemment aussi, Blandine Lenoir. Enfin, c'est un ton vachement que j'aime beaucoup moi, et j'avais adoré ce film au cinéma, et voilà, je vous le conseille, avec Agnès Jaoui, film Aurore. Dans les auteurs, on va aller un petit peu plus vite et on finira quand même sur les auteurs avec quand même un gros nom. Étienne Chatillez, c'est un nom qui est assez revenu parce qu'en fait, je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais fait un tweet il y a quelques temps où j'avais dit aux gens leur comédie culte. Et mine de rien, il y a beaucoup de films d'Étienne Chatillez qui reviennent sans forcément que les gens le sachent, mais il y en a trois qui revenaient beaucoup, à savoir La vie est un long fleuve tranquille, Tati Daniel et Tanguy. J'étais surpris que Tanguy revienne autant. Qui sont un peu aussi des films un peu high concept, parce que La vie est un long fleuve tranquille, c'est deux enfants échangés à la naissance deux classes sociales, à savoir, alors j'ai oublié leur nom des familles. Les Groseilles et le Quesnoy. C'est ça, mais donc en gros, des riches et des pauvres, pour aller un peu vite. Tati Daniel, c'est sur une grand-mère horrible, voilà, tout simplement, et mais qui va justement rencontrer une meuf qui va, Isabelle Nanty, qui va devoir être encore plus horrible qu'elle, et voilà. Et Tanguy, qui est sur un gars qui veut pas quitter le domicile familial à 40 ans, je crois, un truc comme ça, peut-être 30 ou dans le 1, je sais plus. Mais en gros, tellement high concept que c'est devenu un mot du langage courant, quoi. De dire un Tanguy, c'est un mec qui arrive pas à quitter la famille, quoi. Vous, c'est des films que vous aimez bien, David? Alors moi, les films, je suis pas fan. En général, les films. Je sais pas ce que je fous là. T'emmerdes même, faut le dire. T'en parles hyper bien. Les films de Chatillez, je les trouve plutôt bons, mais enfin, comment dire, je les porte pas à la hauteur de la hype entre guillemets, enfin qu'ils ont chacun à voir à l'époque. Mais je reconnais notamment une chose à Chatillez, tu l'as prouvé avec les trois films que tu as cités, c'est une capacité à saisir des choses de l'époque et des grands sujets de société qui vont être importants ou qui vont vont intéresser les gens à ce moment-là. Et moi, c'est la limite que j'ai, c'est que justement, je trouve qu'il va... Il va pas assez loin par rapport à ça. C'est-à-dire que les films, voilà, sont efficaces, font à peu près bien le truc là-dedans, mais je trouve que par rapport à, par exemple, on parlait de Francis Weber tout à l'heure, qu'elle est au bout du bout d'une idée. Voilà, je trouve que du point de départ, tu t'en sors pas en disant ouais, il a tout fouillé, c'est génial, etc. Et on a un côté un peu, le côté même hors comédie, le côté un peu bon, c'est un peu caricatural de dire ça, mais le côté un peu mélo de ces films, avec justement des bons sentiments, etc. Prend quand même, une grosse proportion. Enfin, pour le coup, il sacrifie pas tout. Des bons sentiments. J'ai l'impression que ce qui sort le plus de son cinéma, c'est que c'est méchant. Non, justement. Moi, je trouve ça faussement. Enfin, je trouve ça moraliste. D'accord. En fait, je trouve ça méchant, pas pour le plaisir d'être méchant, mais pour. Je trouve que c'est des films moralistes. Ouais. En fait, c'est des films extrêmement caricaturaux surtout. Ouais. Mais je les trouve quand même très justes. C'est ça que je trouve très fort chez lui, c'est que c'est à la fois extrême et comme tu disais, tu sens l'époque. Alors pour le coup, je trouve que ses derniers films sont beaucoup moins bien parce que je trouve qu'il sent beaucoup moins l'époque. Et c'est dur, hein, en vérité. Enfin, je pense que la confiance règne aussi. La confiance règne, l'oncle Charles. Agathe Cléry. Voilà, il avait mis en blackface. Il voulait faire une comédie musicale en plus. Mal capté l'air du temps, là. Non, mais en plus, dans ses premiers films, il y a plein de dialogues cultes, des trucs qui sont restés. Tu parlais de Tanguy, mais il y a aussi Lundi, c'est Ravioli, Jésus revient. Jésus revient. Des tas de trucs. Et en fait, ça marche parce que les personnages qui disent ces répliques, tu crois en eux. Enfin, par exemple, le personnage qui fait Jésus revient, c'est Patrick Bouchité qui fait un curé, mais vraiment over the top. Et donc, il est invraisemblable, mais en même temps, sa chanson est géniale. Ah, c'est ça. Non, mais moi, la scène est vraisemblable. Et il a lancé Benoît Magimel, qui vient d'abord de César. Aussi. il était enfant, donc dans la vie étant enfant. Tu mets le doigt, moi, sur ce que je préfère chez Étienne Chatillez, à savoir, je trouve qu'il y a beaucoup de personnages dans ses films, et à chaque fois, il est très généreux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de petit rôle, quoi. C'est-à-dire que, parce que dans la vie étant enfant tranquille, t'as Daniel Gélin aussi, au début. Enfin, t'as quand même, t'as beaucoup, beaucoup, beaucoup de persos, et à chaque fois, je me compare pas à son talent, mais à ma toute petite place, c'était ma référence, parce que j'ai réalisé un film, et je me disais, putain, j'aimerais trop réussir ce que. J'allais le dire. Ça me rappelle un certain Florent Bernard. Bon, vous verrez, mais en tout cas, il y avait cette ambition de se dire, ok, chaque perso doit avoir un petit truc à défendre quand même, et c'est ce que tu dis, à la fin du film, tu te souviens presque plus du curé que de la mère, quoi, de Marie-Thérèse. Voilà, c'est ça. Jure. Parce que, d'un coup, t'as un perso qui vient, je pense que Bouchité, il avait une journée de tournage, et il a tout donné sur sa journée de tournage, et il est rentré. Et moi, c'est mon préféré, pour être tout à fait net, La vie est un fou tranquille. Tati Daniel, je le trouve trop cruel pour moi, en fait. Tu parles de bons sentiments, et en même temps, moi, la fin, c'est trop pour moi, quoi. C'est-à-dire que même si elle est horrible pendant tout le film, à la fin, voir une vieille se faire gifler, il y a vraiment un truc. Il faut expliquer qu'il l'égorge à la fin. T'as Isabelle Nanty qui rentre ses deux pouces dans les yeux de la vieille. Mais par contre, pareil, une direction d'acteur assez dingue, parce que Tati Daniel, c'est cette grande actrice, je regarde pas du tout Wikipédia, Cilla Shelton, bien sûr, qui est quand même celle qui a appris le métier de comédien à Toulouse Splendide. Ouais. C'était leur prof, c'était la prof de jeu de Junio, Clavier, Blanc, toute la team, quoi. Bon taf. Et pareil dans Tati Daniel, ce que j'adore, c'est en fait tous les personnages, c'est beaucoup des femmes dans le film, et elles sont toutes super, quoi. Catherine Jacob, Isabelle Nanty, enfin. Il y a un truc quand même, c'est caricatural, mais c'est des gens que je croise quand même, mine de rien. Moi, je viens du fin fond de la Bourgogne, et sans dire qu'il a mis le doigt sur ce qu'était le régional, disons. Mais les gens parlaient, enfin, c'est con, hein, mais c'était des gens qui parlent dans ces films-là comme des gens que je croisais dans ma rue, quoi. Et ça, c'était assez cool. Tu reconnais des figures avec les potards à fond, quoi. Exactement. C'est un peu les tuches, en fait. Un peu ce que tu retrouves chez les tuches aussi, d'une certaine manière. C'est ce truc de. En plus gaguesque qui est dans les tuches, peut-être, mais ce truc de pousser les potards, effectivement, d'une. Une sociologie de personnage. J'ai découvert un truc sur Étienne Chatillez. Est-ce que vous vous souvenez de cette vidéo, une pub pour un anti-insecte qui s'appelle Super Timor, qui était genre un mème, je crois, limite avant Internet. Je sais pas si vous avez vu ce truc. Non. Bon, peut-être que les gens qui écoutent. C'est un peu un flop parce que personne ne connaît. C'est lui qui a réalisé cette pub qui était vraiment un énorme mème. Bon, il y a 20 ans peut-être. Un mème d'il y a 20 ans, ça c'est toi. C'est ça. Le fou de mème que t'es. Non, mais il a réalisé plein de pubs, Chatillez. Il a commencé avec ça. Mais en vrai, même dans les années 80-90, tous les réalisateurs de comédie réalisaient beaucoup de pubs, Le Comte, Junio, ils en faisaient des centaines, ils racontaient parce que, en fait, vu que c'était le début, enfin pas le début, mais c'était le pic de les pubs doivent être rigolotes, ils allaient chercher les mecs qui faisaient des millions d'entrées au cinéma, quoi. On va passer à Michel Audiard. Alors ça, je vais vous laisser parler, les amis, parce que moi je connais assez peu le cinéma d'Audiard. Les gars, vous avez fait une vidéo justement sur le parler d'Audiard, parce que bon, Audiard, c'est si on devait caricaturer, Adrien, on dirait que ça parle comment? La rigournette, mon pote. S'il est con. C'était des vendeurs de ketchup, tu vois. S'il est con, volé, machin. On y verrait plus clair. Donc, c'est vous dire à quel point nous, on s'y connaît, en Michel Audiard. C'est Nicolas Bernaud, en gros. La façon de parler de Nicolas story de Nicolas Bernaud, voilà. Vous aimez Michel Audiard? Oui. Oui, alors déjà, il a aussi réalisé des films, mais souvent quand on parle du cinéma d'Audiard, ça va souvent être plus des films. Les Tontons Flingueurs, les Barbouzes. Voilà, en fait, qu'il a écrit, ou parfois même seulement écrit les dialogues. Et alors là, il en a fait vraiment beaucoup. Et réalisé par d'autres. Par exemple, Les Tontons Flingueurs, c'est réalisé par Georges Lautner. Il y a pas mal de réalisateurs qu'on a cités d'ailleurs tout à l'heure, type Verneuil. Ou d'autres qui ont réalisé ces films. Il avait un style d'écriture, de dialogue, effectivement, très reconnaissable. Alors, souvent caricaturé dans le côté... Vous en parlez dans votre vidéo, non, c'est très intéressant. Effectivement, il aimait pas lui-même être réduit à l'argot, quoi. C'était pas ça. Oui. Sauf, en fait, il y a un style, comment dire, littéraire très construit, avec vraiment beaucoup de variété. D'ailleurs, c'est ça un des aspects dont on parle dans la vidéo, c'est que, en fait, il multiplie les figures de style et dans tous les sens. Enfin, donc il y a le rythme, un sens de la punchline aussi. C'est moi un truc que je défends. On n'en a pas tant parlé que ça dans la vidéo, mais pour moi, les héritiers d'Ozer, entre guillemets, c'est le rap français. C'est plutôt ça. Ouais. Et puis, pour lui, sa grosse référence littéraire, c'est Céline. Donc, en fait, il est dans la recherche, en fait, du parler populaire. En fait, c'est ça. C'est essayer de... Mais pas que du parler populaire, justement. C'est qu'il va confronter et amalgamer des registres de langue et des manières de parler. Donc, en fait, tu vas avoir, je sais pas quoi, le boulanger du coin qui va parler comme un charretier et à un moment qui va mettre une citation littéraire au milieu de sa phrase. Victor Hugo. Ou avoir des tournures très, très empoulées. Et du coup, ça crée des ruptures, ça crée des effets comiques. Juste par la réplique. Et ça, c'est quelque chose qui, à mon sens, justement, c'est un petit peu perdu dans le cinéma français. C'est-à-dire que le cinéma français, et la comédie en particulier, a eu toute une période extrêmement portée par les dialogues, ce qui est à la fois une force et une limite. Et vraiment, Audiard était le patron de ça, la référence, beaucoup copié, etc. Et en fait, ce truc de prendre soin au dialogue, c'est un petit peu perdu, notamment parce que on a cherché soit à faire des dialogues plus naturels, des trucs plus, soit au contraire des punchlines beaucoup plus efficaces, beaucoup plus dans de la comédie, mais presque agressives, quoi. Et je trouve que depuis quelques années, c'est difficile de trouver des films qui reposent vraiment sur les dialogues. Alors après, t'as des trucs comme OSS 117 ou des choses comme ça qui... Et puis t'as des auteurs qui se disent, en tout cas, héritiers. C'est ça, cas, et j'allais... Voilà. Et j'allais Astier, c'était une référence, voilà. Ouais. C'est Astier qui est une référence. Qui est un grand fan. Qui est fan et qui se place un peu dans cet héritage. Un chouïa. Un chouïa. Mais, c'est ça. Et en fait, moi, la limite que j'ai avec Astier de ce point de vue-là, c'est qu'il est... par rapport à Audiard, un peu trop héritier dans la copie. C'est-à-dire que pour moi, il fait la même chose. Il fait la même chose qu'à l'époque. C'est-à-dire c'est que ça, il... plus personne parle comme ça, en bah fait. Oui. Ouais, oui. En fait, alors que je pense que les Audiard d'aujourd'hui, à la limite, ça serait plus des... Cette gecko, Al Capote. Mais le truc, c'est aussi que Audiard, il écrivait sur mesure pour ses acteurs. Oui. Et c'est aussi pour ça que... quand on fait Audiard, on part un peu comme ça. Enfin, on fait du Jean Gabin. Et en fait, c'est toute une époque. Et du coup, c'est vrai que Astier, il a tendance à faire parler ses acteurs et lui aussi, comme Gabin. Et c'est ça qui fait un peu pastiche d'Audiard, finalement. Mais ce qui est intéressant d'une autre manière, c'est que ça crée un nouveau degré comique qui fait que c'est marrant par l'anachronisme. Oui. Enfin, oui, en plus, et pour un double anachronisme. Vous ne l'attaquez pas, mais pour le défendre un peu. Il fait pas. Donc, on l'attaque. Donc. c'est les personnages principaux. Je suis d'accord, sont dans ce truc-là, mais dans les personnages. Enfin, je trouve que sur certains guests, Perceval, on n'est pas là-dedans, par exemple. Voilà, quand Clavier vient, tu sens qu'il écrit pour Clavier. Quand Chabat vient, non, mais c'est vrai que il s'écrit lui, en tout cas, Arthur et effectivement la cour proche. Je suis d'accord, c'est clairement du Audiard, mais je trouve que il a ce truc d'écrire un peu pour les acteurs. Quand d'autres viennent, typiquement les guests entre autres, ou quand Rolin vient, tu sens que c'est écrit pour Rolin. Enfin voilà. Oui. Ah non, c'est sûr que écrit aussi pour moi, il maintient ça. Ouais. Et comme je disais, t'as ce truc supplémentaire de par l'anachronisme, ce qui est encore renforcé par le fait que c'est des gars de la table ronde. Plus marrant qu'ils aient ce jargon-là. Donc c'est pas et du tout. Et pour le coup, c'est peut-être plus argotique qu'Audiard en fait. Et c'est ça qui crée le décalage avec le Moyen Âge, c'est qu'il va utiliser des expressions d'argot. Oui, et c'est donc ça. Du coup, ça rend tout marrant. Ouais. Et donc voilà. Et donc Audiard, t'as ce truc vraiment mais même au-delà de la comédie, en fait, le plaisir du bon mot, le truc qui coule. Un des films que je recommanderais. Qui est quand même assez particulier, c'est Un singe en hiver. Il est dans ton top, ouais. Ouais, avec Gabin et Belmondo, qui sont deux alcooliques dans un petit village. Et en fait, ils se revendiquent comme des... je sais pas comment dire, des artistes de la beuverie, quoi. Et en fait, ils s'en étaient sortis il me semble, Belmondo. Ou alors c'est Gabin qui s'en est sorti et Belmondo qui le fait replonger. Et voilà, il y a des tirades, des dialogues incroyables. En fait, il joue le côté délusionnel de l'alcoolique qui se croit magnifique. Et en même temps, du point de vue du spectateur aussi, tu vois toute la limite de ça. Enfin, c'est un film très particulier, mais dans le pur style littéraire, c'est vraiment très, très réussi, je trouve. Et après, c'est un peu ce qu'on a mis dans les vidéos, mais c'est qu'il y a des... En fait, dans n'importe quel film, même le plus obscur, à un moment, il va y avoir une perle, à un moment, un truc très efficace, des choses même qui sont entrées dans le langage. C'est là où c'est du cinéma, en fait, c'est que personne ne parle comme ça dans la vraie vie, même dans les années 60, personne ne parlait comme ça. Et en fait, il recrée un monde avec des gens qui ont un verbe très haut, qui utilisent des expressions qui est très très littéraire, que tu lis que dans des bouquins. Oui, qui est parfois très grossier, et en même temps, ça va citer Victor Hugo. Et puis souvent, chez des truands, et donc du coup, ça crée encore plus un décalage, des truands qui parlent super bien. Mais après, c'est vrai, quand tu vois des vieilles vidéos de Lina, par exemple, tu vois que les gens, ils parlaient pas exactement comme ça, et ils avaient pas le verbe aussi, autant d'éloquence et tout ça, mais il y a eu une manière de parler, une sorte d'accent, un peu, notamment le sorte d'accent parisien de l'époque, et tu te dis, mais comment c'est possible? Et une vidéo sur deux, c'est un mec qui dit qu'il faut frapper sa femme. Ça, c'est quelque chose le sujet. Également. Il y a un film que j'aime beaucoup de lui, alors en fait, qui est plus connu que ce que je croyais. Je croyais être un peu stylé, mais en fait, il est très connu ce film. Il s'appelle Les Vieux de la Vieille. Oui. Et c'est un film que je trouve super chouette. Là, pour le coup, je trouve qu'il y a vraiment presque des punchlines dedans. C'est un peu le Expendables. Alors, l'histoire est toute conne. Hein. C'est trois vieux qui vont dans un hospice. C'est un road movie en fait. Mais c'est dedans, il y a Jean Gabin qui commence à être vieux. Enfin, je crois qu'il a une grosse barbe et tout. Il est vraiment trop bien dans ce film. Et j'aime beaucoup ce film. Donc, Les Vieux de la Vieille, si vous voulez regarder. En fait, le film, c'est le trajet jusqu'à la maison de retraite. Parce qu'après, ils arrivent là-bas, ils sont un peu déçus. Okay. Voilà. Mais grosso modo, oui, si, c'est ça, hein, à peu près. Ouais, il n'y a pas que Gabin. Enfin, je disais les Expendables parce qu'il me semble. Non, il y a Noël, il y a un troisième. Avec des surnoms. Il y a La Tige, il y a Noël, il y a Freluc. Le Fourreau. Ouais, c'est ça. Mais parce que ce qu'on oublie avec Gabin, où souvent on peut le connaître justement pour sa période où il était vieux et il a joué dans plein de films, mais il a eu aussi toute sa période de jeune premier. Pendant très longtemps, c'était aussi le beau gosse du cinéma français. C'est ça. Il a eu vraiment deux époques. Complètement différente en termes de type de rôle. Et donc vous l'avez dit, Audiard il a réalisé aussi. Et en fait il y a quelque chose qui est assez rigolo. Alors vous devez le savoir, mais les films qu'il a réalisés, il les a aussi écrits, mais pas tout seul. Il avait un jeune premier qui l'assistait dans les scénarios. Et... Il va révéler un truc de ouf. C'est un truc de ouf et en même temps ça va me faire une transition sublime. C'est Jean-Marie Poiret. Alors qui est Jean-Marie Poiret? C'est le réalisateur de films tels que Les Visiteurs, Les Anges Gardiens, Opération Cornet de Bif. On parlait de Mes meilleurs copains. J'y arrive pas. Tu fais un AVC. Mes meilleurs copains. Nos meilleures années. Les copains d'abord. C'est une chanson. C'est ça. Mes meilleurs copains. Ouais. Et donc Jean-Marie Poiret, ça ouvre un autre grand chapitre de la comédie française qui, je trouve, a beaucoup été mis en avant grâce dans les années 90 et en particulier grâce à Jean-Marie Poiret, ça va la comédie française grand spectacle. Ouais. On va commencer tout de suite avec le classique. Alors vous allez sortir une vidéo bientôt, ne spoilons pas, j'ai envie de dire, mais on va parler quand même des Visiteurs. Voilà, Les Visiteurs, qui est moi, je pense, une de mes comédies françaises préférées, mais un de mes films préférés, même pour être tout à fait honnête. Un film important, ça fait, vous savez, on a tous notre anecdote en disant je regardais la cassette en boucle. Moi, c'était vraiment Les Visiteurs. Quelle place il a pour vous ce film, Hugo par exemple? Nous on a 35 ans à peu près, un peu plus, et c'est vraiment le film de notre génération, le film qu'on a revu mille fois à la télé, dont on se faisait les répliques à la récré à l'école. Donc c'est vraiment on n'est pas tout à fait objectif sur ce film, même si là on y réfléchit beaucoup ces temps-ci. C'est culte, enfin c'est vraiment en plus c'est un film, comme tu disais, c'est un film d'aventure, c'est un film de science-fiction, c'est une comédie, il y a tous les acteurs cultes de notre époque, Renaud, Le Mercier, évidemment Christian Clavier. Ouais. Mmh. Il y a le côté fun de chaque personnage qui joue plusieurs rôles en plus. Donc c'est spéciaux. Il y a des regards qui merdouillent. Des fois, quand t'as Jacquard et Jacouille, tu sens que ça se regarde pas dans les yeux. Mais à l'époque, c'était fou, quoi. Incroyable. Ouais. Et ce qui est marrant, c'est qu'en plus, il a vraiment galéré à monter ce film, quoi. Il sortait de Opération Cornet de Bif, je crois, oui. Qui est plutôt un petit succès, mais pas suffisant pour faire avaler 20 minutes de film d'époque au début du film. Et je crois qu'il raconte que le premier gag, c'est à la minute 21. C'est ça. Et en fait, ouais. Il n'arrivait pas à vendre ce truc. Gaumont ne comprenait pas pourquoi ils arrivaient dans le présent après 20 minutes de Chevalier. Il disait, mais non, ton film, c'est... Et en vérité, pour participer à des réunions d'écriture, je pense que tout le monde, encore aujourd'hui, te dirait ça. De dire, non, ta promesse... C'est le voyage dans le temps, il faut vite aller. Et lui disait que non. C'est encore la question de la vraisemblance. Si tu débarques comme ça avec deux mecs qui arrivent de 1123 en 1993 sans les avoir présentés, sans avoir le contexte, personne n'achète le truc, donc personne rit à leur gag et tout. Donc il faut, pour créer le décalage, t'as besoin des 20 premières minutes. Ouais. Et pour le coup, ils ont vraiment soigné le truc, ils ont vraiment refait l'époque avec du matte painting et tout. Les plus grands artistes de l'époque. T'es convaincu, t'arrives à 20 minutes et là c'est tapis rouge, quoi. Mais surtout que t'as tout le sous-texte où t'as besoin des 20 minutes, à savoir tout, justement, on parle des trucs de classe, des trucs de les gueux, les nobles, enfin genre c'est même c'est partout, c'est quand ils se transforment pour voyager dans le temps, t'as Jean Reno, il devient un truc en cristal et Jacouille devient une merde de chien, quoi. Enfin, bouge, voilà, donc t'as vraiment un truc là... Bah t'as besoin de créer le rapport entre les deux personnages pour que lorsque tu découvres Jacquard, tu comprennes que Jacouille, il a un peu envie de rester, quoi, tu vois. Et ça, c'est vachement bien. Parce que c'est aussi un film de tandem, hein. c'est ce qu'on va probablement dire dans la vidéo, c'est que c'est un film qui est un peu un film somme dans lequel t'as un peu tous les procédés comiques de l'histoire de la comédie française qui se retrouvent, et voilà, c'est du coup, ça fait... La générosité de ce film, c'est assez extraordinaire. Moi, enfin, vraiment, n'ayons pas peur des mots, pour moi, c'est un chef-d'œuvre absolu. Ouais, enfin, c'est un film, et alors, moi, j'ai un rapport particulier à ce film, c'est que c'est un film que j'ai énormément vu gamin, pour la même raison de génération qu'expliquait Hugo. Et en fait, j'avais un peu arrêté de le voir, quoi. Donc là, ça faisait vraiment longtemps que je ne l'avais pas revu quand je l'ai revu pour la vidéo. Et vraiment, je me le suis repris en pleine gueule. Alors, j'ai été ravi en plus de le... Je disais tout à l'heure, je l'ai montré à mon neveu qui a 7 ans. Okay. C'est un des premiers films live qu'il voyait, en plus. Et notamment, et sur ce que vous disiez sur l'intro, c'est aussi un truc hyper important, justement, pour les gamins, en fait. Tu rentres vachement par ce truc d'abord premier degré. Il avait pas du tout toutes les vannes ou tous les aspects comiques, mais il était vachement emballé par l'aspect film d'aventure. Moi, c'était aussi un truc important à l'époque, quand j'étais gamin. Et notamment, il y a un film auquel Les Visiteurs fait directement référence, c'est Robin des Bois, Prince des Voleurs, avec Kevin Costner. Était un de mes films de chevalier culte de gamin, qui est sorti un ou deux ans plus tôt. Et en fait, il y a notamment le plan de la flèche avec la caméra dessus, qui est complètement emprunté à Robin des Bois, Prince des Voleurs. Et il y a même une référence à un moment, Ginette dit... C'est Kevin Costner. Kevin Costner. Donc en fait, le film faisait le pari de se positionner dans le meilleur du cinéma hollywoodien de l'époque grand public et d'y fourrer, mais vraiment comme comme un tacos trois viandes, exactement, toute la comédie française. Mais vraiment, et il y a tout. Il y a la comédie de tandem, on parlait de La vie est un long fleuve tranquille qui est sorti un ou deux ans avant, le sujet de la famille et des oppositions des classes sociales sujet central du film, et donc est complètement dans le truc. Avec des personnages, avec les potards à fond. Ah ouais, alors par contre, tout est à fond. Et il y a deux autres trucs, c'est un film qui, alors pour la vidéo, pour Rigolo, est une matière pas facile à travailler par rapport à, par exemple, OSS 117 ou Les Tontons Flingueurs, où tu as un montage en fait qui accompagne bien les répliques. En fait, là, le montage de Jean-Marie Poiré, c'est très complexe. C'est extrêmement cut. Mmh, donc, en fait, ça part dans tous les sens et parfois les personnages parlent en off, etc. Et c'est difficile à retailler. Et je pense que c'est aussi une raison pour laquelle j'avais un peu oublié la qualité du film, c'est que En fait, si tu regardes juste des scènes ou si tu revois des bouts de mon annonce, etc., le film est beaucoup moins efficace parce qu'en fait, il fonctionne pas bien au remontage, en fait. Parce que, en fait, c'est de la magie. Contrairement, c'est pas du tout académique, en fait, la manière dont il va. Alors, il y a effectivement, et ça, il est allé beaucoup plus loin dans des films comme Les Anges Gardiens sur les contre-plongées, des choses comme ça, des plans un peu angles, de biais, des trucs. Voilà, t'as le plan sur leur gueule quand ils rentrent dans la chambre des gamins. Quand ils mangent le yaourt. C'est dégueulasse avec des gros plans. Et en fait, tout est charcuté, mais pour le coup, dans une efficacité, que ce soit dans la comédie ou dans l'action, qui est tout le temps hyper impressionnante. Et puis c'est effectivement un film qui va tirer le meilleur de plein de choses, quoi. Notamment aussi dans les dialogues, il y a des inventions sur la langue, à la fois dans ce qui est censé être la langue du Moyen-Âge et aussi ce qui est une sorte de caricature de la langue des bourgeois, la langue contemporaine, le qu'est-ce que c'est que ce beans, Paula. Et tout est. C'est d'une richesse qui est, je trouve, assez incroyable. Et en fait, pour le coup, toutes les planètes sont alignées, quoi. T'as Clavier au top de sa forme. Enfin, vraiment, Clavier, ce qu'il fait dans ce film, c'est extraordinaire. C'est hallucinant, quoi. Vraiment, le registre, entre Jacouille et Jacquard, des scènes où il se donne lui-même la réplique. Et le dernier truc que je voulais dire, c'est que c'est l'embryon du scénario, il l'a écrit très jeune, je crois, vers 17 ans, Jean-Marie Poiré. Ouais, c'est une idée qu'il avait tout jeune, ouais. Et ensuite, ils ont beaucoup travaillé, et en fait, Clavier est co-auteur du film, et c'est beaucoup ensemble, en fait, qu'ils ont construit toutes les strates du film. Et souvent, ce qui est difficile avec les films de voyage dans le temps, c'est que tu as plein de problèmes de scénario qu'il faut régler. Et ça, c'est aussi un des trucs dont on parlera dans la vidéo. C'est que non seulement ils arrivent à trouver des moyens de régler les problèmes de scénario, mais surtout, ils font de la comédie avec. Ouais. En fait, dans tous les trucs, de tous les aspects un peu compliqués de la science-fiction, en fait, deviennent matière à comédie. Et sans citer Retour dans le futur, parce que tous les films récents de voyage dans le temps, ils disent « Ah oui, comme Marty McFly dans Retour dans le futur ». Là, ils ne le citent pas. Ils le font dans leur coin. Et puis, tu parlais des acteurs. Moi, c'est un acteur que j'adore et qui, à chaque fois, me tue de rire dans le film. C'est Christian Bugeaud, qui joue le compagnon de Valérie Lemercier. Et lui, je me rends compte, plus je vieillis, plus c'est ses répliques à lui qui me font rire, quoi. Je trouve qu'il a une musique. Ouais. Alors, c'est les dialogues de Poiré et de Clavier. Qui n'est pas dentiste. Il est. Il y a un truc. Ah ouais? Non, je sais plus, il y a une subtilité. Mais en fait, il y a des jeux, effectivement, sur la musique. Mais c'est des trucs avec ma meuf. On est insupportable, nous inviter jamais en soirée. Mais on peut passer vraiment une heure et demie à juste se rappeler des répliques des visiteurs. Mais qui sont même plus. Tu sais, c'est ces films, tu les as tellement vus. Que c'est plus vraiment les phrases drôles qui te font marrer. Moi, c'est ça, tu vois, avec les bronzés fondus qui. C'est ça. C'est quand Bugeaud dit juste. Vous êtes quand même pas. Non, c'est Lemercier qui dit vous n'êtes quand même pas amnésique à ce point-là. Parce qu'il patauge dans les chiottes. Et c'est Bugeaud qui dit. Qu'est-ce qu'ils font? Ils patauge dans la cuvette des chiottes. Et bon, bref. Et c'est. Moi, j'avais dit Béa, c'est des débiles. Béa, ils sont même pas capables de mettre le couvert. C'est ça, Béa, c'est. Et puis là, t'as entendu ce que j'ai entendu? Juste après qu'il ait lâché une énorme caisse, juste la façon dont il sort. T'as entendu ce que j'ai entendu? C'est dégueulasse. On utilise souvent le pas avec votre poncho. Bien sûr. Et moi, c'est le. Vous avez vu quand je l'ai mouché de Clavier quand il raccroche avec le Mercier? Vous avez vu quand je l'ai mouché? Moi, j'aime bien quand, parce qu'il demande la souplette tout le temps. Ouais. Elle lui dit une minute soupe pour vous. Une minute soupe. C'est... Et même moi, juste. Edgar Bernet de la gare Bernet, là, c'est vraiment, ça me tuerait. À chaque fois, il dit pas juste Edgar Bernet, il dit Edgar Bernet de la banque Bernet. Et non, c'est vraiment, c'est extrêmement drôle comme film. Et c'est effectivement, moi, je suis d'accord avec vous, c'est vraiment ce menu maxi best-of de tout. Parce que même, moi, je me souviens quand j'étais petit. Le Coe Burger. Le Coe Burger. C'est cette scène de juste, il prend un bain habillé Clavier, et j'étais mort de rire. Enfin, tu vois, t'as des blagues pour absolument tous les âges. Ce qui te fait rire au début, c'est qu'il s'appelle Couille et qu'il lâche des caisses. Et quand tu grandis, c'est Jacquard et. Effectivement, tu découvres des nouvelles traces. C'est comme un Pixar. On y revient. Et non, mais ça permet de saluer quand même le talent extraordinaire de Christian Clavier en tant que scénariste. Oui. Parce que, alors, il n'était pas tout seul sur tous les films qu'il a écrits, mais quand même, qui peut se targuer d'avoir dans sa filmographie les bronzés font du ski, Le Père est une ordure, Les Visiteurs. Mes meilleurs amis, meilleur copain, je vais y arriver. J'y arrive pas. Mes meilleurs amis, c'est le Apatow. C'est pour ça que j'arrive pas à dire ça. Mes meilleurs copains, enfin voilà, il y a une. Et pas que l'écriture, en fait. Genre, j'ai vu une séance il y a pas longtemps avec, en présence de Jean-Marie Poiré. Il racontait, c'était Les Anges Gardiens. Ouais. Et il y a quelqu'un qui posait une question sur. En fait, dans Les Anges Gardiens, Clavier, il a toujours un épi derrière la tête, en fait. Ils ont aménagé un épi à Clavier. C'est une blague que tu vois même pas, en fait. C'est juste comme ça. Et Poiré raconte que Clavier, il prend vachement soin au look de son personnage. C'est vraiment très, très important pour lui. Et donc, il racontait des séances d'essayage avec Clavier et tout. Et je pense que le soin pris pour Jacouille et Jacquard est hyper important pour le personnage. Et notamment le fait qu'ils aient les dents pourries, etc. Ouais. Parce qu'il n'y a pas, par exemple, dans le remake américain, ils ont les dents ultra bright. Propres. Et du coup, ça fout tout en l'air. Ils ont tout gâché. Notamment ça, mais bon, plein d'autres choses. Ouais, c'est ça. Mais oui, en fait, Clavier, il est vachement partie prenante dans les films. C'est un énorme bosseur. Au-delà du scénario même. C'est un énorme bosseur, Clavier. En ce moment, il y a Le Caplain, il fait un film avec lui. Mm. Et il me disait que vraiment, c'est coach d'acting. Enfin, tu vois, c'est vraiment, il vient pas les mains dans les poches, quoi. Il veut vraiment il respecte à fond le texte. Et il bosse en amont le texte. Et pour que sur le tournage, ça roule, quoi. C'est un énorme taffeur, apparemment, Clavier. Et ouais, donc, la valeur travail est importante pour lui. Je pense qu'on peut le dire. Mais effectivement, alors Les Anges Gardiens, c'est vrai que c'est encore plus fou. C'est même fou à remater. Alors vous l'avez vu vous au cinéma, c'est ça, il y a pas longtemps. J'étais pas là. Je devais garder ma fille. Moi, je me souviens, je l'ai rematé il y a pas longtemps. Je suis tombé dessus à la télé. Et ce qui m'a frappé, c'est que là, pour le coup, tu parlais des visiteurs, t'as besoin des 20 premières minutes pour rentrer dedans. Là, Les Anges Gardiens, ils arrivent au bout d'une heure de film, quoi. Enfin, ils mettent beaucoup de temps à arriver, quoi. Non, c'est pareil. C'est un gros film d'action avec Gérard Depardieu et le Perpin. Parce que ça, c'est un grand truc de Clavier et de Poiré, c'est qu'on dit pas bien les noms. Mm. Et que dans Les Anges Gardiens, c'est le père Tarin, Ayen comme pain. Et du coup, pendant tout le film, Gérard Depardieu l'appelle le père Pain. Et Clavier dit non, c'est Tarin comme pain. En fait, c'était pour l'orthographe. Et il le reprend pendant tout le film sur ça. Et c'est bizarre parce que c'est pas vraiment un gag, mais c'est très marrant. Oui, mais... Et il le fait dans plusieurs films. Là, j'avais maté Mystère à Saint-Tropez, un truc comme ça qu'il a fait récemment, Clavier, avec Vincent Desagna, entre autres, et Commandeur, etc. Et pareil, il se plante sur son nom, alors il le reprend à chaque fois. Bah, ça me fait rire. Ah, j'ai malheureusement, ça, ouais. Dans tous ses films, Clavier et Jacquard, machin, je ne m'appelle pas Couille, machin et tout. C'est, les gens se trompent un peu sur son nom et Monsieur ça l'agace. Couille. Et ça, ça me fait vraiment beaucoup rire. Et donc oui, pardon, il est dans le gardien, Les Anges Gardiens, c'est fou parce que c'est presque trop quoi à ce moment-là. Ouais, bah là en fait, justement, ça vient après Les Visiteurs, donc l'Outsider qui fait un film qui cartonne, enfin je sais plus combien, plus de 10 millions d'entrées. Ah ouais. Et là, toutes les portes lui sont grandes ouvertes. Et en plus, je crois qu'il a plus de monteur parce qu'il y a eu une fight sur Les Visiteurs. Et donc, est-ce qu'il est épuisé? Il a décidé de monter lui-même ses films. Et je crois que c'est le premier film en numérique aussi. Et donc, du coup, il fait vraiment tout ce qu'il veut et peut-être trop ce qu'il veut. Ouais. Et du coup, il fait effectivement, comme dans Les Visiteurs, il fait un long prologue. T'es sûr, un film en numérique? C'est un montage numérique peut-être? Ouais, enfin c'est plus, je crois que ça me paraît tôt. Je sais pour plus si c'est tourner, sur Les Anges Gardiens ou sur Les Visiteurs, mais il y a une fight entre deux monteurs. Ok. La monteuse qui a fait tous les films de Poiré, qui était sur de l'ancien système. Moi, je suis pas du tout spécialiste, donc je sais pas. C'est de quelle année déjà Les Anges Gardiens? Les Anges Gardiens, je regarde, je vois 95 pour en soi. Oui, c'est pas du tournage numérique. Ouais. Et donc du coup il y a ce prologue qui est pas du tout non plus comique finalement. Ouais. Et c'était marrant de voir le film en salle parce qu'en fait les gens rient au début du film sur le prologue qui est tragique. En fait c'est Yves Régnier qui meurt et tout dans la cabine téléphonique. Et si vous avez vu le film vous voyez de quoi je parle. Ce fameux plan où cette fameuse séquence où il y a 15 plans par seconde avec tous les angles dans la cabine. Et en fait, les gens rient à cause de ça, en fait, à cause du montage qui est complètement outrancier et tout. Et donc, du coup, c'est hyper compliqué de voir ce film parce que tu sais pas si les gens rient du film ou si les gens rient des blagues. Et il y a des blagues qui sont drôles, notamment le nom du père Tarin. Bah, c'est entre autres. Et il y a des trucs marrants, mais ça quand même. Moi, je me souviens du jeu de Depardieu aussi en Ange Gardien. Il a un truc très calme, et en fait, il le joue, c'est vraiment marrant. Non, mais les deux sont exceptionnels, Depardieu et Clavier toujours. Ouais. Mais ouais. Surtout que c'était un duo qu'on connaissait pas, parce qu'après ils ont fait Astérix. Oui, mais c'était quand même la rencontre Clavier et Depardieu. Ils avaient jamais fait de film ensemble, donc c'était une énorme promesse. C'est Depardieu qui voulait tourner avec Poiré après Les Visiteurs. Et la rencontre s'est faite sur celui-là, quoi. Ça. Et il y avait aussi le bêtisier qui passait une fois sur deux dans Les Enfants de la télé. Bien sûr. Et moi, j'en parlais, bêtisier où Jean-Marie Poiret s'est forcément rajouté en post-prod parce que tu l'entends aussi bien que les acteurs. Oui. C'est-à-dire que les acteurs rigolent et t'entends « Oh Gérard, arrête tes conneries !» Tu fais « Mais ça, t'as pas de micro, le son est parfait, t'es obligé d'avoir un micro sur toi. » Ou alors tu l'as rajouté en post-prod. Sinon effectivement, alors j'aimerais quand même vite fait passer dessus, tu me dis Adrien quand tu dois y aller, mais c'est effectivement Mes meilleurs copains de Jean-Marie Poiret, qui est son film presque le plus calme, puisque c'est vraiment c'est un autre genre de comédie, à savoir le film un peu de bande de potes, qui est un truc qu'on retrouve beaucoup dans la comédie américaine. On parlait vite fait tout à l'heure d'Apatow, c'est un peu ça. Même en France il y a Radio Star qui avait fait un peu ça, et mes meilleurs copains, c'est l'histoire, c'est même pas un concept, c'est une bande de potes qui se retrouvent parce qu'il y en a une qui a cartonné, qui est devenue une star du rock, et ils avaient un groupe de rock ensemble, et ils se retrouvent tous 20 ans après, quoi. C'est un peu ça. Ouais, ouais, et c'est autobiographique en fait cette histoire, parce qu'au départ, Jean-Marie Poiret c'était un rocker, bah ouais, avec son groupe les Frenchies, quoi. Et apparemment, il a créé une chaîne YouTube pour mettre des vidéos de son groupe. Ah, génial! Ouais, donc allez voir les Frenchies sur YouTube. Ouais. Et en fait, bah, il a abandonné cette vocation pour devenir cinéaste. Mais je pense qu'il avait une forte nostalgie de cette époque-là. Et donc, ça raconte l'histoire d'un ancien groupe de rock pendant les années 60-70, et qui se retrouve dans la maison de campagne d'un des personnages. Et chacun a pris des chemins de vie différents. Et donc, c'est presque un peu un film Bakri Jaoui-esque, oui, avant l'heure. Parce qu'il y a un peu un clash des différentes... les différents archétypes, entre le personnage qui est devenu un peu un parvenu, celui qui regrette toujours de pas avoir continué dans le rock, etc., celle qui a réussi et puis qui, finalement sa vie elle est pas beaucoup mieux malgré le fait qu'elle a réussi, et d'autant plus qu'il y a Bakri et Daroussin. Ouais. Ouais, c'est ça. Et c'est un film qu'il a fait, on pourrait croire parce que c'est un plus petit film, c'est un de ses premiers films, mais pas du tout. C'est un film qu'il a fait après Papy fait de la Résistance. Et il avait justement envie de revenir à un truc plus petit auprès des acteurs, après avoir fait Papy fait de la Résistance, où il y avait des explosions, il y avait un casting et 5 étoiles, etc. Et du coup, il y a la trame du film, c'est à la fois ce qui se passe, donc leur retrouvaille, ils ont une maison de campagne où ils passent la soirée, ou plusieurs jours. Ouais. Et beaucoup de flashbacks, où on voit du coup, quand ils étaient jeunes, la partie aussi... de où ils étaient un peu théâtre expérimental, Non, mais c'est très drôle quand même et très touchant. Ouais. C'est ça qui est fort, c'est que souvent les films de potes, c'est compliqué parce qu'il faut réussir à ce que le spectateur se sente pas exclu par ces gens qui se connaissent et qui s'aiment bien. Voilà. Et là, en fait, avec les flashbacks, tu vois aussi leur rencontre et tout. Et donc, du coup, ça raconte l'histoire de la création de cette bande de potes. Et donc, du coup, tu t'es assez vite soudé avec eux. Et t'as envie de continuer de rire avec eux, quoi. Non, mais c'est un film que je vous conseille. Et donc, justement, on en parlait très vite fait quand on parlait de Bakri et Jaoui. Bakri joue dedans, et Bakri joue un personnage homosexuel. Mm-hmm. Et dans le scénario, il devait jouer un petit peu plus, entre guillemets, la folle, quoi. Et c'est Bakri qui s'est opposé Bakri à ça. Bakri qui a dit non, moi je veux jouer... normal. Normal. Non, mais dans Oui, oui, non, mais je veux dire. Non, mais pas faire la folle, quoi. Oui, c'est dire, ça. C'est, pour le côté, ce serait bien qu'une fois au cinéma, les homosexuels soient représentés autrement que comme ça. Oui. Même si c'est des gens qui existent, tout ça, mais que. Bien sûr. Montrer que c'est des gens aussi. Et de pas en faire un gag. Oui, voilà, c'est ça le truc. C'est pour le coup, c'est ne pas jouer comique, quoi. Encore une fois, c'est jouer des personnages et avoir envie de défendre des personnages. C'est un peu ce qu'avait fait Brasseur aussi dans Un éléphant oui, pareil, énormément, qui était aussi une façon de jouer, qui n'était pas à la cage aux folles, quoi, justement. Un truc un peu plus. Voilà. Mais c'est vrai que Jean-Marie Poiret, il a vraiment créé une espèce de mode, entre guillemets, de la comédie très grand spectacle. Parce que même à un moment, j'ai l'impression que tout le monde a voulu faire un peu son Jean-Marie Poiret. Parce que quand on voit Les Grands Ducs de Patrice Lecomte, c'est un truc justement très caméra grand angle, en gros plan, où tout le monde joue. x8 même que j'aime beaucoup d'ailleurs. Ouais, moi j'aime beaucoup le Grand Duc. C'est très notamment très pour le rassemblement Noiret, Rochefort, Marielle, Jean-Pierre Marielle et Noiret, c'est ça. Et Michel Blanc méchant. À tel point que moi je confonds toujours et je crois que c'est un film de Jean-Marie Poiret. Enfin, c'est c'est filmé mais par contre c'est pas spectaculaire dans le sens film d'aventure. Enfin, c'est très mais oui dans le rythme et dans la manière de dans réaliser les cuts et grandiloquent un peu. C'est ça exactement. Parce que à l'inverse, justement sur le côté spectaculaire, le fait de mixer la comédie au film d'aventure ou autre, c'est plutôt quelque chose qui dans les années 90 avait un peu disparu, alors qu'à l'époque de Philippe de Broca, bien sûr. Oui, je parlais plus en mise en scène parce que même tu as Gérard Houry qui fait La Soif de l'or ou qui fait Fantôme avec chauffeur, je crois. Ouais. Mais c'est des films, quand tu les remates, la mise en scène et tout, on dirait presque du pareil, du Jean-Marie Poiré, oui. quoi, parce que t'as des trucs dans Fantôme avec chauffeur, t'as des effets spéciaux, dans La Soif de l'or, t'as vraiment ouais. des plans, bah, pareil, avec Clavier, bah, Clavier qui est pareil, là, il est en poste Jacquard, enfin, il joue Jacquard, hein, plus ou moins, dans La Soif de l'or, hein, quand même, t'as ouais. des... Enfin, oui, mais c'est intéressant, effectivement, le parallèle entre le style de mise en scène et l'appétence aussi pour les sujets très spectaculaires. Mais en fait, le fait de maintenir, même sur des sujets plus quotidiens, ah ouais. Cette mise en scène. Parce qu'à l'inverse, Uri, bah pareil, lui, il est à la grande vadrouille. Enfin, il avait aussi... En fait, il est allé sur des terrains sur lesquels d'autres cinéastes de comédie française ne seraient pas à l'aise. Quoi. Et c'est le point commun qu'il a avec Lecomte, c'est que je trouve qu'il remet en question sa mise en scène avec l'époque, avec ce oui. qu'il fait avec plus ou moins de succès, puisque Uri, évidemment, il n'égalera jamais ce qu'il a réussi à faire avec La Grande Vadrouille, et je parle en succès pur, ou Rabbi Jacob. Ouais. Mais mine de rien, même quand il fait le Schpounz avec Smaïn début 2000... Bah, tu vois, il y a une volonté d'essayer de rester avec des gens qui marchent à ce moment-là, de re-questionner un peu. Ouais. Enfin, voilà, de pas rester dans ces chaussons. Après, il y a aussi chaussons. Que De Funès était mort, ouais. Et Bourvil aussi. Donc finalement, ouais. il avait été obligé de se renouveler. Ce qu'on raconte dans une de nos vidéos, c'est que Clavier, ça, il a été un peu pris comme l'héritier de Louis de Funès à un moment donné. Ouais. Et c'est pas tout. Enfin. Il y a oui, des, c'est un y a peu des facile, nu- moi, je trouve. Ouais, ouais. Mais c'est vrai qu'il y a, dans La Soif de l'or, il y a un petit peu ça. C'est le bourgeois irascible. Mais vous avez fait une vidéo, effectivement, en sur fait, l'archétype du bourgeois un peu de droite. Oui, le monde. Oui, ouais. En fait, le film, il était écrit pour De Funès à la base. Donc, La Soif de l'or, il me semble. Ah ouais. Non, je dis une grosse connerie. Je suis quasiment sûr de ça. À vérifier. Bon, à vérifier. Bah, en tout cas, c'est un perso qui ressemble à ce qu'aurait pu faire De Funès. En tout cas, ouais, c'est ça. Donc, ce qui renforcerait la filiation en plus. Ouais. Et de toute façon, chez Clavier, il y a quand même un virage dans sa filmographie où il s'est mis à de plus en plus à jouer ce type de personnage. Ouais. Encore aujourd'hui, quoi. Et encore ouais. aujourd'hui, maintenant. Et maintenant, de plus en. Enfin, ouais, voilà. Il en joue. Après, avec différentes facettes. Mais ça sommeillait déjà un peu dans Les Bronzés. Et dans, il y avait les Babacool, les trucs comme ça, où il jouait le mec qui débarque. Twist Again à Moscou. Ouais, voilà. Enfin. Ouais. Bah, il était plus jeune en fait, ouais. c'est ça, il a vieilli, il s'est radicalisé dans la bourgeoisie. Ouais, mais même dans Les Bronzés, il est médecin quoi, c'est quand même un bourgeois. Ah non, mais ouais. et, puis, et vois, de toute ouais. façon, lui-même vient d'un milieu très aisé, voilà, Neuilly et tout ça. Dans un de ses derniers films, il joue un gars d'extrême gauche dans Irréductible de Jérôme Commandeur et il est très marrant. Ah, il joue justement un mec, un cheminot qui adore la grève et qui adore faire chier le gouvernement. Bah, c'est vraiment ça, hein, ouais. qui adore faire chier le gouvernement. Et tu sens qu'il prend beaucoup de plaisir à le jouer. Est-ce qu'il dit Macron explosion ou pas ? Non, il dit pas Macron explosion. C'est le défaut du film. C'est le défaut du film. Et donc, oui, et effectivement, je parlais de la mise en scène de Poiré, mais t'as aussi la comédie à grand spectacle qui est un peu revenue aussi avec les productions Besson, je trouve, à savoir à partir de Taxi. Vous à ce moment-là, vous avez quel âge à un moment de ces films-là à peu près ? Est-ce que vous êtes encore intéressé par ces trucs-là ? 97, 98 Oui, le premier Taxi. Le premier. Ouais, c'est un film qui vous plaît. Ouais, j'aime beaucoup les premiers films de Besson. Hein. Enfin, sachant qu'il n'est pas réalisé par Besson, Taxi. Non, il est produit. Ouais, c'est vraiment la filiation c'est sa patte, de Luc Besson. Oui, on est dans ça. Il a écrit, je pense qu'il a pas mal supervisé. Ouais. Et même le 5, là on déborde un peu, mais le 5e élément, des films comme ça. Oui. C'est aussi des marqueurs de notre génération. Ouais. C'est... Et il y a beaucoup d'humour aussi, mine de rien. C'est vrai, aussi de l'humour dans le grand spectacle. Mais vous voyez ce que je veux dire sur les. À partir de Taxi, j'ai l'impression qu'il y a eu plein de films, alors plus ou moins heureux, mais il y a eu Le Raid, Le Boulet, enfin c'était des énormes budgets. Ouais. Avec des grandes stars mais c'est un peu post Mission Cléopâtre aussi, j'ai l'impression. Attends, Le Raid. Le Raid avec Laurent Deutsch et Roche Dizem. Tu viens pas de ce film ? Non, pas du tout. Et Hélène de Fougerolles. J'adorais ce film. J'ai beaucoup aimé ce film. Ouais, et moi, je le revois, mais j'adorais ce film. Ouais, vraiment. Il y avait une blague qui me faisait hurler de rire. Quand ils descendent de l'avion et ils se présentent à Hélène de Fougerolles, ils arrivent en disant très sérieux, premier degré, ils disent Raymond Barre ou je sais pas. Ils se présentent en disant des noms. Ils donnent des faux noms. Et c'était... À l'époque, j'avais 14 ans. Ça me faisait beaucoup rire. Bah oui. Faut le voir. Il faut le voir. Je voulais mal. Il faut le voir au cinéma. Enfin, Le Raid, faut le voir au cinéma. Faut le voir sur un écran de cinéma. Non mais c'était assez. Je serais curieux de voir. Vous avez revu ces films ou pas? Je serais curieux de voir à quel point la gueule qu'ils ont. Wasabi avec Michel Muller et Jean Reno, tu vois. Dans un autre film, il y avait Un Indien dans la ville aussi qui était. Alors oui, ça l'a dit. Qui oui. était aussi, côté film d'aventure. Alors il y avait le côté aussi comme il y a un personnage d'enfant. Moi, vraiment, c'est le film que j'ai le plus vu enfant. Ah, ok. J'ai dû le voir 50 fois, je le voyais en boucle. Mais oui, pareil, hein. C'est vraiment aussi un film culte de notre génération, quoi. Enfin, au même titre que Les Visiteurs. Ouais. Et non, pas absolument plus revu depuis, quoi, par contre. Ah ouais, moi, c'est toi qui l'avais rematé il y a pas longtemps. Non, c'est non. Plus. Ah, non, je confonds peut-être avec ma meuf. Ça en dit long sur notre relation, Adrien. Moi, je le prends pas mal, ta meuf en revanche. Non, mais qui m'avait dit. J'espère qu'elle écoute pas. Ah, Tim City, il met quand même beaucoup de baffes à un enfant. Il y a un espèce de truc. Ouais, mais... Oui, on adore. Oui, on adore. En comédie, en fiction. C'était une autre époque. Moi, bah ouais, dans la vie, tu as un peu passé à côté. Pour être mais en plus, vraiment. C'est une autre époque, mais en même temps, ça revient un peu. Enfin, genre. Non, mais il y a le. Putain, The Campaign avec. Là, il y a vraiment un coup de poing dans la gueule d'un bébé. Moi, j'ai vu tous les Lachaud. Lachaud, il adore ça aussi. C'est-à-dire qu'il y a dans. Je crois que c'est dans 30 jours max. Ou dans Nicky Larson, bon, pardon, je les confonds, mais il y a 5-6 enfants qui se prennent vraiment des trucs en pleine gueule. Oui, ils aiment bien ils adorent martyriser. Et puis, ils le font vraiment bien. C'est-à-dire qu'il y a un truc que tu peux pas enlever à la bande à Fifi, c'est que quand il y a un gag visuel, il est bossé. Ouais. Et vraiment, l'enfant se prend le truc, vraiment, tu le vois se prendre le truc en pleine gueule et voler 15 mètres. Ça, c'est très agréable. Il y a aussi ça dans. J'ai revu récemment. Dodgeball où y a vraiment un enfant qui se prend un ballon mais en pleine gueule et vraiment tu te dis ils ont jeté le ballon dans la gueule du gosse. Ouais, là, il y a pas d'effet, casse un peu les lunettes. Oui, il y a les lunettes qui volent et il fait vraiment il tire la tête et tout. Il veut vraiment jeter un ballon en pleine gueule et c'est drôle. Et après la différence, enfin c'est que c'est pas à titre éducatif dans ces films-là. Alors que dans Indiana Jones, il l'a bien mérité. C'est vrai que c'est presque pas un gag en fait dans ce film. Mais je pense que c'est pas trop un gag. Enfin, oui, c'est pas un gag. C'est ça la différence. On est un peu éduqué comme ça. Et donc on parlait de là pareil, je vais vous laisser un peu parler les gars parce que moi je connais moins effectivement ces films d'aventure sont des héritiers de Philippe de Broca, donc on a un peu parlé du Magnifique. Il y a aussi L'Homme de Rio, il y a aussi Les Tribulations d'un Chinois Chine, moi j'aime beaucoup le pitch. Après c'est des films qui, je trouve, à une époque marchent bien pendant 45 minutes une heure et j'ai toujours, au bout d'un moment, je m'ennuie un peu, mais c'est parce que je les vois avec mes yeux d'aujourd'hui. Je sais que Les Tribulations d'un Chinois en Chine, j'adore les 20 premières minutes et après j'ai un peu de mal avec la fin parce que le pitch est très fort. C'est un mec qui veut se suicider, engage des tueurs, mais il tombe amoureux d'une meuf et du coup il dit annuler. Coup, je veux annuler. Sauf que les tueurs sont à ses trousses, voilà, exactement. Mais le pitch est tellement fort que je trouve que le film galère un peu, même s'il y a encore là aussi un très grand Jean Rochefort qui est toujours là. Ouais, et qui se passe à Hong Kong. Le film. Alors moi j'ai une nette préférence pour L'Homme de Rio. En plus, alors les Tribulations, bon, il y a des trucs aussi un peu racistes. Oui, ouais, bien sûr. Mais vraiment j'ai un gros attachement à L'Homme de Rio mais pas que pour l'aspect comédie. En fait, c'est vraiment. C'est un tout. C'est aussi un film qui peut bien plaire aux enfants aussi pour le côté vraiment aventure, qui d'ailleurs c'est souvent dit qu'il a inspiré Spielberg pour Indiana Jones, même si, alors, je crois, il y a débat, je me souviens jamais bien de l'histoire. Parfois il dit qu'il l'a pas vu, mais qu'en fait il s'est aussi inspiré de Tintin. Oui, bah c'est ça, mais parce que L'Homme de Rio s'inspire vraiment beaucoup de Tintin. De Tintin, ouais, c'est ça. Notamment, il y a une histoire de statuette un peu type l'oreille cassée. Et en gros, c'est un truc où, en fait, Belmondo est en permission, il est militaire en permission, et il se retrouve à devoir. Partir sauver une jeune femme à l'autre bout du monde, donc il va au Brésil et là il y a à la fois pareil la situation, je dis un peu la Hitchcock du personnage qui est pas censé être un héros mais qui se retrouve embarqué dans une aventure folle. Et donc c'est ça qui crée la plupart des situations comiques, mais qui crée surtout des situations d'aventure. Et notamment, voilà, il y a une sorte de poursuite sur un chantier où évidemment Belmondo a voulu faire les cascades lui-même. Alors, c'était super dangereux. Enfin, bref, il y a plein d'aspects comme ça. Et c'est un film qui tient bien tout le rythme. Ça te fait voyager, ça t'embarque. Et je trouve que c'est bien réalisé, c'est bien incarné par Belmondo. Mais sur l'aspect pure comédie, c'est pas là que ça tire le mieux son épingle du jeu, quoi. Oui, c'est vrai que les gens le citent. C'est fou que enfin, oui, moi j'ai toujours l'impression que Spielberg l'a cité. Mais en tout cas, les gens font toujours des affiliations entre Indiana Jones et ce film. Mais c'est vrai qu'il est presque plus cité à l'étranger qu'en France, quoi, l'homme de Rio. Parce que, enfin, je sais que nous, quand on faisait à notre toute petite échelle Jack B. Moon, tout le monde nous parlait, tous les journalistes français nous parlaient que de l'homme de Rio, comme si c'était le seul film d'aventure français un peu marrant qui existait, quoi. Oui, surtout qu'en plus, c'est limite un sous-genre. La comédie française de jungle, il y en a plein. Enfin, même il y en a eu plein récemment. Ah bah oui. Et des trucs super. Alors j'oublie toujours les titres. Terrible parce que jungle. Ouais, il y a Terrible jungle. Il y a celui avec Vima La loi Ponce. De la jungle. La loi de la jungle, qui est super. Mais c'est pas des films post-Belmondo, quoi. C'est complètement décalé. Oui. Bah nous, par exemple, c'est beaucoup plus américain, entre guillemets. Ouais, on n'avait pas mis jungle dans le titre déjà. Déjà, on n'a pas mis jungle. Oui, d'ailleurs, dans Jack B. Moon, là, finalement, les références américaines, que ce soit Indiana Jones ou même un peu les Goonies ou des choses comme ça, sont beaucoup plus présentes que les références françaises, en fait. Ah bah oui, à fond. En fait, nous, les références françaises, bon, pardon, on parle un peu de Jack B. Moon, mais nous, on citait beaucoup plus. La chèvre, par exemple, pour le binôme commandeur Damiens, on était beaucoup plus dans ces trucs-là de, effectivement, Depardieu qui n'a pas envie d'être là et qui se gère à un fou. Et voilà, et on était dans ces trucs un peu de binôme. Mais ça se sent dans le film d'ailleurs, il y a presque un binôme au sein du groupe entre commandeur et Damiens. Et on était plus dans ce cinéma-là que. Moi je dis, De Broca, j'ai vu les films, mais je les ai découverts tard avec un œil justement de ok, c'est des films importants. Enfin, j'ai pas grandi avec ces films-là, donc j'ai pas du tout la même attache. Je reconnais à fond leur qualité, mais c'est vrai que j'ai. Voilà. Et ouais, mais Belmondo, en fait, c'est pas un anti-héros comme la plupart des comédies. C'est vraiment le héros français viril. C'est pour ça que j'aime moins, moi, ce genre de film. Et après, enfin, vous êtes moins pas, dans l'homme mecs. De Rio. Je vois quand même dans Belmondo le côté. Il se casse un peu la gueule. Ouais, marrant, mais pas quoi, que ça. Enfin, il a un côté pathétique un peu aussi. Enfin, en fait, pour moi, c'est aussi Pierrot. Il est hyper musclé et tout. Il plaît. Non, mais en fait, c'est clairement. C'est jaloux, en fait. c'est clairement une partie de sa personnalité, mais en fait, il y a vraiment tout un aspect de sa filmographie et tout ce qu'il a fait avec la Nouvelle Vague qui est vraiment un peu l'écorché vif. Enfin, il y a un truc. Oui, mais moi je ne le retrouve pas dans De Broca, l'écorché vif. Oui, d'accord, je comprends. En fait, je projette son image. Après, le dernier que j'ai vu avec lui, c'est L'As des As, de Jarouri. Ouais. Et là, c'est complètement le héros, c'est presque viriliste. C'est bourrin. Donc ça a vachement vieilli. On va y venir, ça donne des bourre-pifs. Mais il conduit une voiture accompagnée d'un ours. Et ça, pareil, c'est des images de cinéma où t'as Belmondo. Après, et à l'avant et à l'arrière, t'as un ours comme ça. Il a sa ceinture, l'ours, ou non? Bah, pas du tout. J'aurais préféré. Non, c'est des vrais beaux films d'aventure, ça j'en dis. Et pour le. Alors, je sais pas si. Enfin, on arrive un peu à la grande vadrouille ou pas, mais. C'est ça. Alors, Adrien, est-ce que tu dois y aller? Vas-y, je gère. Ok, très bien. Enfin... N'hésite pas à partir à tout moment. De toute façon, je pense que malheureusement, on va te dépasser un petit peu. Oui, mais il n'y a pas de souci. Voilà. Oui, justement, j'allais venir à Gérard Rouy. Justement, j'allais venir à ce. Parce que c'est lui qui a fait les grands films d'aventure. En plus, là, depuis tout à l'heure, on parle de films qui ont cartonné au cinéma. En plus, que ce soit. Voilà, on parlait de L'Homme de Rio, Les Visiteurs. Clavier, qui est quand même un gars qui a le film qui a le mieux marché de chaque décennie, quasiment. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu sur la génération 2010, Mission Cléopâtre dans la génération 2000, Les Visiteurs aux années 90, et après, en fait, c'est des moins énormes succès, mais Les Bronzés, Le Père Nature. Et il est dans Les Lachaux. Il est dans Babysitting 2. Il est partout. Il est bankable. Dans les Profs 1. Il est bankable. Dans les Profs 1 avec Kev Adams. Enfin, il se mélange avec les nouvelles générations et ça lui réussit plutôt bien à chaque fois. Pardon, j'ai fait un petit virage sur clavier. Et donc Gérard Rouy, alors effectivement, c'est difficile de dire le plus connu parce que là, tu vois, j'ai 4 titres de films devant moi et moi, j'ai mon préféré. Mais La Grande Vadrouille, Le Corneau, La Folie des Grandeurs et Rabbi Jacob, j'ai l'impression qu'ils se tirent un peu la bourre. Après, c'est quand même La Grande Vadrouille, c'est le plus gros succès. Enfin, si on regarde les chiffres purs, c'est sûr que c'est. Et même à l'international. Enfin, petite anecdote cinéphile, mais on voit La Grande Vadrouille dans Roma de Alfonso Cuarón. Bien sûr. Donc au Mexique, il regarde. Enfin, donc c'est un truc. C'est malheureusement le moment. Alors, c'est sûrement très vrai. Mais qui m'a fait sortir du film. C'est-à-dire que tu regardes un film déchirant et d'un coup t'as deux finesses, c'est moche. Tu fais, c'est deux finesses, qu'est-ce qui se passe? Mais oui, c'est un film culte. Et pour le coup, il y a un côté un peu. Et souvent, en fait, on retombe sur le fait que les grandes comédies très populaires, souvent, il y a le côté film somme où il y a un peu de tout. Quoi. Je suis d'accord. Là, c'est aussi un film de tandem, donc avec De Funès et Bourvil. Il y a aussi un côté un peu high concept, donc en fait, il se retrouve à devoir un peu s'infiltrer. Enfin, il y a le côté... aussi bon bah grand film d'aventure avec des enfin plein de décors, plein de situations, il y a une scène en avion, il y a aussi le côté social avec ils viennent de deux horizons sociaux oui, très lui, très lui différents. Est chef d'orchestre et lui il est peintre en bâtiment, ouais. Ouais, c'est ça. Un peu d'absurde parce oui. que t'as la scène où il pique la perruque et ça lui fait mal à son crâne. Donc ça, c'est même, bah c'est quand même de l'absurde. Ah oui, bah c'est oui, quand oui. même où il tape la perruque et ça lui fait mal à la tête. Ah oui. Je pense si c'est pas un ajout de lui de Funès quoi, parce que c'est il aime bien tenter des trucs. Et puis ouais, alors c'est, pour le coup c'est d'ailleurs et on finira sûrement par faire une vidéo dessus, mais c'est un film, ça fait quelques temps que je l'ai pas revu et j'aimerais bien le revoir. Je l'ai revu pendant le confinement, donc il y a 3 ans, et j'étais choqué du rythme très bon, ouais. Parce que c'est un film des années 60 quand même, et c'est vrai que c'est des films qui du coup oh, bah, avec vos TikTok là ça fait, voilà. Non mais voilà, ça, tu peux des fois te bouffer un peu. Le Corneau par exemple a un rythme plus difficile, je serais oui. curieux de montrer Le Corneau à un gamin de 10 piges, je pense qu'il se fait un peu chier, ouais. La Grande Vadrouille, je trouve que le rythme est assez ça va vite quoi. Mais voilà. Le Corneau, est-ce que c'est pas beaucoup plus axé sur Bourvil? Si, bien sûr. Et ouais. C'est plus un film de Bourvil qu'un film de tandem. Le ouais. Corneau, il y a quand même la réplique où dès que tu mets de Bourvil, c'est réplique là que quoi. Enfin, c'est vraiment... ouais. Non, La Grande Vadrouille, t'as Mon Vélo quand même. Ah non, regarde, bah, Mon Vélo, c'est La Grande Vadrouille. Non, oui, c'est, je confonds. Elle va beaucoup moins bien marcher. Elle marche beaucoup moins bien, mais en fait, non, je pense à celle-là. Donc, Mon Vélo. Grosse merde. D'abord mes bottes, maintenant mon vélo. Mes souliers, mon vélo. Ouais, mon vélo. Voilà. Fallait qu'on cale l'imitation. Oh, on était obligé. Mais le Corneau, effectivement, c'est un film beaucoup sur Bourvil. Et c'est peut-être pour ça que moi je l'aime un peu moins. Ouais. Parce que c'est vrai que je suis moins. Bourvil. Je hais Bourvil de tout mon être. Et c'est ça que je voulais dire aujourd'hui. Non, je suis moins sensible à l'humour de Bourvil. Et en plus, c'est un film où, genre, il croise que des meufs pendant tout le film. Et toutes sont séduites par Bourvil. Parce que c'est un grand naïf et machin. Bon. Moi, j'aime bien quand c'est un peu plus caustique, quoi. Mmh. Et c'est vrai que De Funès... Et d'ailleurs, c'est très drôle parce que j'avais lu... pareil, il a sorti un bouquin, Gérard Oury, une autobiographie où il raconte un peu des anecdotes. Et je crois que c'est sa fille, Danielle Thompson, qui a aussi sorti un livre somme sur sa filmographie avec plein d'anecdotes et d'extraits de trucs et tout. Sa fille qui a co-écrit pas mal de films. Qui a écrit pas mal de films, mais qui a écrit elle-même et réalisé... Bah, qui a écrit oui. La Boom et qui a écrit et réalisé des films comme La Bûche, que je vous conseille, film très drôle, et ou Fauteuil d'orchestre. Et bref, tout ça pour dire que il rajoutait des scènes pour De Funès dans Le Corneau, quoi. Et quand tu vois le film, tu le sens à fond, quoi. La scène de la douche où il gonfle les muscles avec un mec très musclé, c'était pas du tout au scénario. Et c'est juste qu'à un moment, De Funès a dit, gars, moi je veux bien, enfin, donne-moi à manger, quoi. Tu vois, il l'a dit comme ça, hein, d'ailleurs. Ouais. Gars, donne-moi à manger. Ouais, ouais, très moderne aussi. Ah bah très De Funès. et quand tu vois le film, c'est d'autant plus flagrant, quoi. C'est vraiment effectivement le film sur Bourvil. Et de temps en temps, t'as des moments de finesse. Ouais, c'est ça. T'as des moments de finesse, pareil, quand il désosse la bagnole ou des choses comme ça, ou c'est des sketchs presque de finesse dans le film. C'est une musicale en plus. Ouais, c'est ça. Pas de, ouais. C'est ça. Pas de réplique. Mais moi, j'aime bien La Grande. Après, moi, je suis un grand fan de Rabbi Jacob. C'est mon préféré. Ouais, je pense que. Alors, tu peux le dire. Peut-être, justement, parce que, en fait, moi, j'aime beaucoup Louis de Funès. Et. Pourtant, je suis pas très fan du cinéma burlesque, enfin des acteurs qui font des prestations comme ça, bah, comme Pierre Richard par exemple, hors Weber. Et mais lui, il y a vraiment un truc incroyable. Enfin, j'arrive pas à comprendre comment il fait. Et il imprime lui-même le rythme au film. Et justement, Rabbi Jacob, c'est peut-être le film le plus de funessien de tous les films de Funès. Et donc du coup, bah ça s'arrête jamais, quoi. C'est un rouleau compresseur. Tu suis De Funès en train de faire des trucs et c'est ce que j'adore. Après, ça reste un film de tandem et donc il y a un contre-champ et c'est ça qui fonctionne bien. Ouais. Mais ouais. Et puis, t'as le côté poisson hors de l'eau aussi, quoi. C'est ce mec-là, raciste, qui découvre toute une région. C'est aussi un de tes films préférés de Funès, Adrien ? Ouais, je pense que... Enfin, je vois pas... Déjà, c'est celui dont je me souviens le mieux, donc c'est déjà... Mais ouais, je pense que... C'est un de mes préférés. Et puis, en fait, y a ce truc qui est très propre. Moi, j'adorais De Funès quand j'étais enfant, mais vraiment, c'était mon idole, quoi. Et y a ce truc fou de Funès qui, aussi bien les gamins que les adultes, l'adorent. Et parce que je trouve qu'il y a. C'est ce qu'on disait un peu sur Clavier tout à l'heure, mais il y a le côté. il infuse un peu ce que vous disiez, le personnage du bourgeois et tout machin. Donc il y a un peu deux niveaux de lecture, mais comme tu dis, on ne comprend pas comment ça marche, quoi. C'est-à-dire que en vrai, si tu regardes, c'est un mec qui fait. Mais en même temps, je sais pas, ça marche sur deux niveaux, quoi. Mais c'est un truc même que tu retrouves chez Jim Carrey. Enfin, c'est des trucs où effectivement, quelqu'un d'autre le fait, c'est ridicule, quoi. Enfin, ça marche. Ouais, moi, à l'instant, là, par exemple. Non, mais. Il y a du cœur. Il reste vraiment dans le personnage. En fait, il fait pas des comme ça. Il le fait parce que là, il dit son nom à un gars. Il s'appelle Pivert, donc il va faire la mythe. C'est pas comme dans le Cornio où t'as une scène complète où il va réparer une voiture et tu te dis pourquoi cette scène, je comprends pas. et là c'est vraiment un personnage écrit et qui réagit à des trucs qui lui arrivent, quoi. Et qui d'ailleurs était, de son propre aveu, pas totalement un rôle de composition, parce qu'il y avait une interview où il disait, bon, c'était l'époque où on pouvait dire en interview j'étais antisémite avant. Oui, bien sûr, poursuivez. Qui ne l'est pas, finalement. Dans l'interview, il fait, j'avais des idées un petit peu là pour coup, il fait des deux funesses, il dit quand même la phrase, ça m'a lavé l'âme. Ouais, c'est ça c'est quand même où tu dis putain. C'est bien. Mais parce qu'effectivement, c'est aussi un film qui parle conflit israélo-palestinien, qui parle de l'antisémitisme en France, en filigrane quand même. Ouais, en filigrane. Non, mais t'as la scène, alors je vais mal la citer, mais où justement il dit vous êtes pas si différents ou Ah oui, c'est parce qu'il y a Salomon et Slimane, je crois, il dit ça. Vous seriez pas cousin. Vous pourriez vous entendre, je sais pas quoi, il y a un truc un peu comme ça. Ce qui peut aussi être vu comme un truc un peu raciste. Oui, c'est vrai. vous êtes tous les mêmes finalement. Ah merde, vous l'avez gâché. De fil. Ah, c'est la même merde. Non, Louis. Dis-le autrement peut-être. Mais lavé. Mais pareil, où t'as des gags pareil très absurdes, enfin toute la scène du chewing-gum. C'est incroyable. Ça, c'est vraiment. Qui fait une bulle. Si jamais des gens n'ont pas vu, il est dans une usine de chewing-gum, ce qui est déjà Tu es Bugs Bunny, Louis, finalement. Il tombe dans une cuve de chewing-gum, donc il y a toute une scène où le chewing-gum colle, il n'arrive pas à marcher, etc. Et à un moment, il fait une bulle avec sa tête, quoi. Oui, parce qu'il est énervé. Il a une bulle sur sa tête, enfin, c'est du Tex Avery, vraiment, quoi. Mais c'est fou, c'est génial. Et moi, quand je vois cette scène, à chaque fois, je me dis, mais ça a dû être tellement chiant à faire. Pour le bonheur du gars. On s'était documenté un moment sur ce qu'ils avaient mis dans la cuve, mais je me rappelle. C'est pas vraiment du chewing gum. Il y a de la peinture. Je me dis que c'est de la peinture. Non, il y a des trucs. Il y a une recette. De l'eau farineuse. Il y a des trucs. T'as de la cascade aussi. Moi, j'avais la scène où justement, on poursuit en bagnole, où il descend dans le métro, il remonte et tout. J'avais fait oh putain. Oh la vache. C'est génial. C'est pas Furious. Ouais, c'est ça. Et puis la scène de danse. Qu'il avait énormément préparé, enfin, c'est aussi quelque chose qu'on dit dans la vidéo, mais il pensait qu'en fait, c'est pas du ridicule que vient la comédie, mais au contraire, l'exécution parfaite. Et le fait que ce type, c'est ça qui est trop drôle en fait dans la scène. C'est qu'il est à fond, lui, quoi. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc de The Office, moi, qui m'avait fait hurler de rire. The Office anglais ? Non, la version américaine, c'est la scène où ils vont à la patinoire et que Steve Carell patine parfaitement en hockeyeur et tout. Moi, je savais pas du tout le fait que c'était vraiment le cas. Et le fait que ce type qui est un méga loser tout le temps, qui rate tout ce qu'il fait et que tu vois que c'est un dieu sur la glace, ça m'avait complètement chopé, quoi. Il y a un vrai truc de finesse de spectacle. Enfin, c'est-à-dire que la scène de la danse, effectivement, elle donne la banane. Enfin, tu vois, t'es à fond, quoi. Oui. T'es genre... T'es de bonne humeur, il rajoute des gags pendant la danse où il met des petits coups de pied au cul. Enfin, tu vois, non, mais il tape en même temps le gars qui est devant lui. Il y a une maîtrise qui est jouissive, en fait. Et en fait, c'est exactement jouissif. C'est qu'en fait, le fait que quelque chose soit très réussi, il y a quelque chose de jubilatoire. Et en fait, la jubilation peut aussi amener le rire. C'est-à-dire que parfois, tu vas être surpris. En fait, être très content, enfin très, je sais pas, chauffé par de bonne humeur. Mais alors moi, je trouve qu'il y a... Parce que c'est surprenant, en fait. En fait, c'est ça, le truc, c'est que... Ouais. Mais il y a un De Funès où, moi, c'est mon préféré. Jusqu'à un certain point, parce que j'aime pas du tout la dernière demi-heure, mais pour moi, la première heure, c'est le meilleur film de De Funès, c'est Le Grand Restaurant. Et où, pareil, t'as une scène de danse qui arrive à un moment où, quand il montre au serveur comment servir, et c'est sur du piano, et le mec du piano s'excite, donc eux s'excitent, et ils se mettent à danser partout, et ça devient un numéro de danse complètement ouf. Ça, c'est un hommage, je pense, à Chaplin. Oui, sûrement. Dans les temps modernes, il me semble. Ouais. Voilà. Mais la scène, elle est incroyable. Et moi, Le Grand Restaurant, c'est un film que je vous conseille parce que je le vois assez peu cité, parce que c'est pas Gérard Houry, c'est pas, il a pas fait les millions d'entrées de même Rabbi Jacob, ouais, ou de La Folie des Grandeurs. Mais c'est un film que je trouve, mais c'est du pareil, c'est du de finesse parfait. C'est le de finesse, c'est l'archétype, enfin c'est comment dire, c'est la base quoi, c'est le patron. C'est de finesse corps, tu dis. C'est du de finesse, c'est ça. Non mais parce que il joue un patron de restaurant donc. Ouais. Horrible avec ses employés. Hein, qui est grand, qui est plutôt grand, le restaurant est assez grand. Taille grande. Qui est horrible avec ses employés, mais qui est évidemment la dernière des merdes avec les gens riches qui viennent chez lui. Oui oui. Et la dernière des merdes, enfin de Susboul, tu vois. Ah oui, c'est ça, oui, c'est oui, un oui, faible, mais ben, il est oui, horrible, il est mielleux, il est, c'est mon accident, quoi. C'est ça, c'est comme avec Galabru dans Le Gendarme, quoi. Et vraiment, c'est très, très, très, très drôle parce que tous les second rôles sont vraiment marrants. Il y a, parce que même tous les. Tu sais, il y a un serveur un peu Susboul, il y a un serveur qui arrête pas de critiquer, et lui qui réagit à tout ça, mais t'as envie de faire une série, en fait. Enfin, la première heure du Grand Restaurant, c'est un peu The Office, mais la version anglaise. Et c'est vraiment, vraiment très très drôle. T'as tout un truc où il se déguise de Funès, il se déguise en employé pour tester ses serveurs. C'est pas trop inconnu, tout ça. Ouais, c'est ça. Il y a 20 ans d'avance. Et il essaie de faire dire du mal à ses employés, du patron. Il fait oui, il est un peu dur, quoi. Oui, il est un peu dur. Ouais, dites-le. Quoi. Et il le joue trop trop bien. Et après, ça part en truc d'espionnage très chelou. Où moi, j'aime beaucoup moins, mais c'est l'époque, hein, c'est les années 60. Où il doit, pareil, il y a une course poursuite en ski, enfin bon, ça n'a plus aucun sens. James Bond. Voilà, mais la première heure, je sais pas, vous l'avez vu, vous, le Grand Restaurant? Je me souviens plus, et moi je confonds l'aile ou la cuisse et le Grand Restaurant. Ah ouais, mais alors qu'il n'y a rien à voir, parce que l'aile ou la cuisse, c'est après son AVC. Donc il est beaucoup plus calme. Ouais. Et il y a dans La Loule à la Cuisse, il y a Coluche. Et il y a Coluche. Ouais. C'était un peu la transmission. Ouais. La Loule à la Cuisse, il est critique pour le Michelin, quoi. Ouais, en fait, il fait la tournée des restos. Et mais dans La Loule à la Cuisse, il y a aussi le truc où ça part en sucette avec quand ils sont dans l'usine à. De pain. Il crée de la nourriture. Il y a un truc. Non moi, je me souviens que mais c'est Coluche qui tombe dans. Il y a un truc un peu comme dans Radio-Canada. Oui, en gros, à la fin, il tombe, je crois que c'est un truc qui fait des petits fours ou du pain ou je sais pas quoi, et Coluche tombe dans le truc. Donc il y a toute une fabrication à la chaîne, et à la fin, il y a un énorme pain qui arrive sur le chariot et il creuse dedans, et il y a la tête de Coluche dedans. Ça m'a marqué cette scène quand j'étais gosse. C'est peut-être le seul truc dont je me souviens d'ailleurs. Mais vous aimez bien Coluche au cinéma, vous? Moi, j'avoue, c'est que je connais moins. Il y a un film que j'adore, mais sinon, je connais un peu moins. Ben, moi, j'ai revu. Récemment, enfin il y a pas très longtemps, Inspecteur la bavure. On avait parlé avec la scène horrible avec oui. Moi j'ai trouvé ça marrant, mais j'ai surtout trouvé, j'avais oublié la scène d'intro de. Vous l'avez vu ou... Oui. Il se fait recruter. Enfin ah non, la scène d'intro avant. Ouais. C'est le père de Coluche qui était un super flic et tout. Et c'est lui qui le joue. C'est lui-même qui le joue, et il y a un truc complètement absurde, mais un peu presque moderne, où en gros il dit, il y a un forcené en fait qui est enfermé dans sa maison, il dit je vais, enfin c'est presque du Zaz en fait quoi, cette intro où il dit je vais aller négocier avec lui, et tu sais il arrive, il fait c'est bon regarde j'ai pas d'arme, il avance et en fait le mec lui tire dessus mais à répétition et il continue d'avancer tout le temps, alors que le gars mais le shoot, même quand je crois même que quand il arrive dans la pièce, le mec lui tire dessus à bout portant quoi, et le mec continue d'avancer, et ça je me suis dit putain mais c'était très bizarre Coluche au cinéma parce qu'il avait pas de ton à lui, enfin c'est à dire oui, que il a fait plein de trucs différents, il a navigué dans quoi. Il a même joué chez Blier La femme de mon pote avec il a fait Hermite, Jean-Yann ouais. 2h moins le quart avant Jésus-Christ moi le film que j'adore avec lui c'est Le Maître d'école de Claude Berry et c'est un film qui c'est presque du Toledo de la cage quoi, c'est un peu doux amer, c'est un mec qui c'est un prof remplaçant. Et même le film, il était écrit par un gars qui était prof remplaçant et qui, en gros, testait le truc où il l'imposerait aux élèves, quoi. Enfin, tu sais, c'était ces nouvelles formes d'éducation. Aujourd'hui, peut-être on dirait des trucs genre Montessori. Bon, alors, à cette époque, c'était encore autre chose. Mais... Et c'est ce que raconte le film, quoi. C'est que lui, il se comporte comme un enfant et en fait, ça se passe pas si mal. C'est avec Balasco, etc. Et Balasco, elle joue une prof en dépression parce que, justement, elle comprend pas que l'école met autant de rien. Enfin, c'est un film vraiment social et en même temps très touchant, très drôle. Ouais. Moi j'adore Le Maître d'école. Tchao Pantin. Avec c'est deux ans avant Tchao Pantin. Et même quand tu regardes sa vie personnelle, c'est le début où justement il vient de se séparer de sa femme. Enfin tu vois, c'est juste après l'élection présidentielle. Donc c'est la période un peu sombre de Coluche. Et dans le film, il y a un truc très émouvant chez Coluche. Et c'est vrai que moi, je suis moins fan de la bavure, de Banzai, de même. J'aime un peu bien. Banzai, c'est particulier. J'aime un peu bien La Vengeance du Serpent à Plumes, quand même. Même si c'est très chelou comme film, mais il y a des scènes qui me font vraiment beaucoup rire. En grande partie parce qu'il y a Louis Rego avec un singe et que ça, pareil. Ça, vous verrez, je suis très sensible aux animaux dans les films. Et là, bon, il fait de la moto avec un singe qui se tient comme ça, Louis Rego. Moi, c'est des images que j'aime. Et mais ouais, j'avais adoré Maître d'école. Vous aimez bien un peu Coluche au cinéma. Mais en même temps, moi, j'avoue, je suis pas un grand fan même de Coluche sur scène, quoi. C'est pas un humour. Bah, après, t'es plus jeune. Ouais, ouais, bien sûr. Moi, enfin, Coluche, c'était LeBron James, quoi. Ouais, quand bien sûr. Tu vois. Toi, t'as connu Coluche perso de son vivant. Bah ouais, je veux dire, ouais. Moi, je me souviens. Moi, je suis. Il est mort en 84. Il est mort. Non, plus tard que ça, je pense. Ah non. Ouais, je sais plus. Il est mort en 86. 86. Et ouais. Bah ouais, mais moi, j'ai 43 ans. Okay. Je suis né en 80, donc j'avais ouais, du coup 6 ans quand il est mort. Ouais. Mais c'était déjà. Après, bah il y a un peu ce côté, enfin même encore plus pour le coup. Enfin, il y a moins les deux niveaux de lecture, mais. Quand t'es gosse, Coluche, c'est un, il hurle, il fait, tu ris quoi. C'est un clown. Oui, après, même ça, les rouges, ça dégaine. Voilà, oui, c'est bon, évidemment. Pour l'accent belge, quand même. Oui, oui, voilà. Non, mais j'avais 5 ans, donc ouais. Évidemment, c'est les vannes me passaient au-dessus. Mais et puis surtout, je le vivais à travers mes parents. Pour mes parents, surtout pour mon père, c'était Dieu quoi. Ils étaient allés le voir sur scène et tout. Enfin, c'est voilà. Et donc du coup oui je l'ai connu de son vivant et bon maintenant je pense que même si je pense qu'il y a des trucs qui me feraient marrer et en fait je le redécouvre maintenant mais plus en interview sérieux en fait et où tu te dis putain super intéressant ouais, c'est un ouais, personnage ouais. Ouais, qui était en fait les vidéos de Lina en fait ça m'a fait, c'est marrant parce qu'on en parlait c'est avec vous je me souviens plus où je parlais d'Eric Ramsey où je disais mais moi j'aime autant Eric Ramsey pour ce qu'ils ont fait que quand ils étaient en promo. C'est-à-dire que j'ai autant de souvenirs des enfants de la télé avec eux que de leurs films. Ouais. Et Coluche, moi, je découvre aujourd'hui, effectivement, pareil, les interviews ou les trucs où je fais putain, mais le mec est fascinant, drôle dans la vie. Ce truc, c'est le jeu de la vérité, non, c'est ça ? Oui, oui. Ouais. C'est le concept, en fait, tu recevais des questions d'auditeurs et t'avais deux jokers dans l'émission, t'avais le droit de ne pas répondre à la question. Et lui, il arrive au truc, il y avait eu je ne sais pas combien de numéros de cette émission. Et en fait, il utilise tout de suite ces deux jokers. Quoi. Ouais, en fait, début, voilà, comme ça, moi, je réponds à tout. Ouais, voilà. Et c'est un personnage. Mais bon, moi, j'ai pas du tout. Enfin, j'ai connu rétrospectivement. Ouais, quoi. Moi, j'avais un an quand il est mort, du coup. Et c'est vrai qu'en fait, on revoit pas trop ses films. Finalement, on en parle très peu de Banzai, Serpent à Plumes et tout. Oui, il est pas dans les plus cultes. Donc, c'est vrai que moi, enfin, tu me demandes sur Coluche. Ça fait longtemps que j'ai pas vu un film avec Coluche. Moi récemment, j'ai découvert les films de Jean-Yann par exemple, et pareil, ils sont durs à trouver, quoi. Ils sont pas, ils passent pas à la télé. Et c'est intéressant parce que pareil, Jean-Yann, c'était vraiment une institution à une époque, quoi. C'était pareil, un incontournable. Il était aussi très présent à la télé. Il faisait des sketchs à la télé. Mais peut-être aussi pour ça, ouais, c'était des gens qu'on entendait à la radio, qu'on voyait à la télé. Jean-Yann, il était sur les grosses têtes. Enfin, les gens l'entendaient quasiment quotidiennement à la radio. Ouais. Les deux, leur aura s'arrêtait pas du tout au cinéma. Donc ils avaient une popularité énorme. Mais en fait, dans les deux cas, ils ont pas fait le grand film culte qui est resté... En comédie, ouais, parce qu'il y a presque Coluche, c'est Tchao Pantin, alors que... Mais même Tchao Pantin, c'est pas si vu que ça, je pense, encore aujourd'hui. Il passe pas tout, c'est pas Les Bronzés ou La Grande Vadrouille, ça c'est sûr. Et effectivement, Jean-Yann a fait des super films très particuliers qu'il a écrit lui-même sur des sujets qui aussi étaient très liés à l'époque. Quoi. Enfin, c'est vraiment des gens qui étaient dans leur époque. Mais d'ailleurs, c'est vachement intéressant, Jean-Yann, parce que moi, je les ai découverts après coup. Et pareil, très généreux en comédien. Quoi. C'est-à-dire que tu as une quantité de persos. On va peut-être dire au revoir à Adrien. Ouais, qui moi je vais devoir y aller malheureusement. Désolé, en fait, je me suis dit, je vais prendre mon Uber un peu en avance pour avoir un peu de temps. Et en fait, il est là dans une minute. Donc je pars tout de suite. Bisous, Adrien. Mais je suis désolé. Mais t'inquiète. Refaisons. De toute façon, je sais pas si. Oui, là. Faisons on a un troisième. Encore un quelques trucs. Et après, je pense qu'on pourra faire un troisième. Ok, ça marche. Bon, merci. Bisous, beaucoup, Adrien. À très bientôt. Tu claques juste la porte et puis ça ira très bien. Oui, Jean-Yann, moi je trouve qu'il y a un truc assez fascinant. C'est que. T'as des scènes un peu cultes dans ces films. Après, les films sont toujours très brouillons, mais je trouve que c'est aussi le plaisir un peu que t'as à regarder les films, parce que c'est vraiment des films d'anard de gauche, quoi. Enfin, c'est vraiment. Oui, c'est ça. C'est vraiment... Il y en a un qui vous plaît particulièrement Mais alors, je crois qu'on a, pour le coup, qu'on commence à être en boucle parce qu'on en avait peut-être déjà parlé l'autre fois. Enfin, ah, avait parlé de Dorian. Ah ouais, alors, il me semble que j'avais parlé de... Non, merde, en plus, le titre, je me reviens pas... Tout le monde, il est beau. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil, qui se passe dans une sorte de radio chrétienne un peu bizarre et avec... Enfin, vraiment, c'est tellement dans l'époque et dans le truc des radios, de leur fonctionnement, que c'est il y a un côté presque pas documentaire, mais un truc intéressant à regarder aujourd'hui parce que du coup, tu te plonges dans quelque chose qui n'existe plus vraiment, en tout cas plus comme ça. Et il y a un style d'humour aussi qui est, enfin ouais, pour moi, c'est un peu l'humour des BD type Fluide Glacial. Oui, à fond. Enfin, avec des trucs très. T'as des gueules d'époque, quoi. T'as du Darry Cole, du Daniel Prévost. Enfin, c'est vrai que c'est des acteurs que tu. Qu'au final, on voyait pas dans tant de films que ça, quoi. Tu vois. Et oui, non, ça, c'est un film que j'aime beaucoup. Je pense que j'ai pas vu tous les films qu'il a réalisés. Moi, je l'aime beaucoup aussi en tant qu'acteur. Il est super dans chez Piala. Bah, bien sûr. Bah, c'est son fils. Même Chabrol. C'est vrai qu'il jouait pas trop de comédie chez les autres, en fait. C'était un acteur souvent tragique, quoi. Enfin, c'était que tragique. Et puis, le boucher de Chabrol. Une brute, quoi. C'était une brute. Et puis, en interview, il était vraiment dans un truc de oui, bon, ça va. C'est pas... Non, mais il s'en battait un peu. Mais comme Coluche, hein. Tu sentais que le cinéma. Enfin, je pense que Jean-Yann, parce que déjà, tu réalises pas 5 ou 6 films sans aider. Mais ça profondément. Oui, oui. Mais en tout cas, en tant qu'acteur, tu sentais qu'il avait un peu un truc de oh, je m'en fous un peu, quoi. Coluche, en tout cas, au cinéma, il y a un truc où tu sens qu'il joue pas sa life sur les rôles, quoi. Alors, à la limite, avec Ciao Pantin, c'est Claude Berry, mais tu sens qu'il vient s'amuser et qu'il fait du Coluche où il va crier en suraigu et des choses comme ça, tu vois. Mais c'est pas, tu sens que c'est pas la prestation de. Enfin, tu vois, tu sens que c'était un plaisir pour lui de faire du cinéma, que ça l'amusait, mais que c'était pas un step ou un but en soi, quoi. Ouais. On va pas tarder à terminer. J'aimerais juste aborder quelque chose parce qu'on parle beaucoup de vieux films, de films cultes. Ce que j'aime beaucoup avec la comédie en France, c'est que je trouve qu'encore aujourd'hui, il y a des choses super un peu tout le temps. On peut parler par exemple des films qui sont beaucoup revenus sur Twitter lorsque j'avais fait la demande de quel film vous plaît. Les Beaux Gosses sont beaucoup revenus. Est-ce que c'est un film qui vous plaît ? Même si ça commence à dater un petit peu. C'est vrai que ça commence. Rien. En fait, y a dans les, pour vous dire un peu la liste, il y a un truc qui, des films qui reviennent. C'est en fait. Presque un peu ça, j'ai l'impression que ça réconcilie auteur et populaire, c'est-à-dire qu'il y a Le Grand Bain qui est beaucoup revenu, Les Beaux Gosses, Intouchables, tous ces films là qui effectivement ont des prix, des César, tout simplement Noir, enfin des films qui ont des Césars et qui en même temps font quand même beaucoup d'entrées. Vous dernièrement, alors peut-être pas forcément dans ceux que j'ai cités, c'est des comédies qui vous ont plu en France. Est-ce qu'il y en a qui vous, par exemple Hugo, t'as cité Gaz de France. Alors ça a quelques années, mais c'est un film très particulier. Ouais. Non mais ça parce a été qu'on a peu cité, vu. C'est ça, on a cité plein de films cultes, de films et tout. C'est aussi intéressant de citer ces films-là. Ah ouais, j'aime bien voir des gens qui ont un univers propre que t'as jamais vu ailleurs, quoi. J'adore Dupieux par exemple, ou on parlait avant de Caravane de l'Épine ou des gens comme ça. Et Gaz de France, c'est un film de Benoît Forgeard qui a pas fait beaucoup de films. Son dernier, je crois que c'est Yves. Oui, qui est passé à Cannes avec William Lebguil et Doria Tillier. Ouais, la quinzaine, c'est l'histoire d'un mec qui tombe amoureux de son robot connecté, dans son frigo connecté. Et il y a William Lebguil, donc fatalement, c'est un super film. Voilà. Après, bon, il tient pas beaucoup. Enfin, je trouve que le concept est plus fort que le film. Ah non, mais bien sûr. Mais l'acteur principal, moi, je suis fan de William Lebguil. William Lebguil est très. Je trouve qu'il arrive à me vendre tout le film, alors qu'effectivement, je suis d'accord, au final, ça part. Il y a Philippe Catherine aussi. Oui, parce que le personnage, c'est un rappeur. Et donc, c'est aussi un peu une comédie musicale. Alors, c'est con qu'il soit parti. Je lui demanderai par texto si on a le droit. Mais Adrien avait passé un casting pour jouer le frigo. Ah petit fun fact, quand même. Je me souviens plus de la voix finale. C'est Antoine Gouy, au final, qui faisait la voix du frigo. Mais il y a plein de petites idées à la con et dans le film. Et Gaz de France, c'est pareil, c'est un pitch impossible. C'est l'histoire du président de la République qui est incarné par Philippe Catherine et qui est dans une phase. Ce qui est déjà une vraie promesse. Déjà. On est bien. Un président un peu particulier et qui est très très impopulaire. Et il décide de créer une task force dans les sous-sols de l'Élysée avec les gens les plus intelligents du pays pour trouver une idée pour remonter sa cote. Et les gens les plus intelligents du pays, c'est la cour des miracles, c'est n'importe quoi. Il y a notamment un mec qui a inventé un robot android génial qui s'appelle Pitivier. Et Benoît Forgeard, il a aussi un art pour choisir les noms des noms de personnages. Ils sont tous incroyables. Il y a un personnage qui s'appelle Dizier Deschamps. Et okay. ça me fait trop marrer. C'est débile. Et il y a plein d'idées complètement débiles comme ça tout le long du film. Le film, je dirais pas qu'il se tient dans l'intrigue, mais c'est un petit filet de conneries. Oui, c'est vraiment surprenant, jamais. Quoi. Enfin, il y a un truc aussi où vous verrez pas beaucoup ça ailleurs, quoi. Donc c'est ça qui est kiffant. Ouais, ouais. Et puis une histoire complètement débile jouée très, très, très sérieusement, quoi. Ouais, c'est ça. Ça, j'adore. C'est ça. Et toi, dans les films récents que t'as aimé, il y a Le Grand Bain, j'ai vu dans ta liste. Ouais, alors moi le Grand Bain, ça c'est un exemple. Et pour le coup, de film qui m'a surpris. Alors je l'avais vu à Cannes à l'époque. En y allant un peu à reculons, en plus pour petite histoire, je sortais de 2001 l'Odyssée de l'espace présenté par Christopher Nolan donc c'était vraiment je sortais de l'hallucination. L'expression de salle de ambiance n'a jamais aussi bien porté son nom. Voilà, tu sors d'une hallucination totale en 70 mm machin, expérience incroyable, voilà. Et je me dis bon, il y a ce truc de à Cannes où moi vraiment j'y vais pour voir beaucoup de films, donc je vois 4-5 films par jour, et voilà, dans le programme il y avait le Gilles Lelouch après, que j'appelais à l'époque le Gilles Lelouch, et je n'avais pas vu Narco à l'époque, que j'adore moi en plus, Narco, dont on m'avait dit beaucoup de bien, mais je l'avais pas vu, donc je m'attendais pas forcément, enfin voilà, j'avais pas d'attente particulière. Et vraiment, j'ai été mort de rire, quoi. Enfin, déjà par la variété des personnages, des acteurs, chacun dans son registre, enfin pas forcément plus dans son registre habituel, mais chaque acteur tire le meilleur de son personnage. Enfin voilà, il y a ce truc la trame de film de sport qui est toujours un truc assez efficace narrativement, parce que voilà, tu suis l'équipe en train de se former, au début ils galèrent, et puis ce truc un peu jubilatoire d'aller vers une réussite, c'est quelque chose qui fait que tu accroches au truc. Mais voilà, dans la technicité de l'écriture, du montage et de l'expression des gags, il y a notamment la scène du braquage du Go Sport, oui. Qui pour moi est vraiment c'est extraordinaire, c'est très très très réussi. Et donc voilà, donc ça c'était une super bonne surprise. J'avais noté là quelques autres trucs récents qui m'ont beaucoup plu. Alors j'ai vu justement hier, je crois que vous l'aviez recommandé dans le Footcast, Stéphane. Ouais. Qui est un film et d'ailleurs de Lucas Pastor et Timothée Hochet. C'est ça. Ouais. Qui est dans une veine dont on n'a pas trop parlé, je crois, dans les deux épisodes, mais de la comédie, alors je saurais pas à quoi trop le rattacher exactement, peut-être un peu c'est arrivé près de chez vous, mais c'est pas du tout aussi violent, enfin il y a un truc voilà, c'est quand même différent, mais dans le style faux documentaire, c'est aussi ça, et puis un peu de malaise, quoi, et c'est le malaise, ouais. Parce que c'est vrai que et c'est le personnage Bigger Van Life, ouais, c'est ça, que tu suis contre vents et marées, quoi. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, je connaissais pas trop leur travail, je m'attendais pas à rien de spécial, était complètement embarqué par le côté en plus un peu Briquet de Broc, footage, ouais, bien sûr. Broc et tout ça. Ah ouais. Et puis la prestation de Lucas Pastor, ouais. Enfin, voilà, bon, on l'a déjà reçu plein de fois ici, donc on va pas branler les amis, mais quand même, qu'est-ce qu'il est fort, et dans ce film-là, il est vraiment extraordinaire. Il y a, alors dans un autre registre, et alors il y a encore Philippe Catherine, Voyage en Italie de Sophie Le Tourneur. Ah, je l'ai pas vu. Ouais. J'avais vu énorme d'elle. On peut dire qu'elle avait ça avec Jonathan Cohen et Maya Pope, qui était son précédent film. Cool. Et moi, je trouve qu'elle est en ascension, en fait, d'un film. Ouais. Enfin, ça m'a encore plus plu que Énorme, qui m'avait déjà bien plu. Et en fait, Voyage en Italie, il y a un côté très autobiographique. C'est un couple, donc c'est elle-même qui joue le rôle principal. Et on les suit en voyage en Sardaigne, je crois. Et en fait, il y a un style de comédie que je trouve intéressant, c'est qu'elle capte vraiment les détails inutiles du quotidien et de la vie de couple. Ouais. Et mais à un point vraiment génial. Enfin, par exemple, il y a une scène où ils sont sur le ferry, ils doivent aller sur une autre île, et Philippe Catherine se demande si c'est le bon arrêt du ferry ou il est pas sûr. et il demande un peu en anglais, mais il sait pas. Et je sais pas, dans cette anxiété-là, je me projette tellement. Oui, oui. Là, il y a aussi des questionnements qui ont l'air débiles, mais qui sont importants. À un moment, ils prennent des Vespa, je crois. Ouais. Il se pose la question de est-ce qu'on en prend deux ou on se met à deux sur une Vespa. Et il y a tout un débat sur bah non, c'est quand même plus confortable tout seul, mais c'est moins romantique et tout. En fait, c'est plein de questions que tu poses quand même. Et puis elle a quand même une. Alors, je l'ai pas vu, moi, celui-ci, mais en tout cas, c'était le cas dans Énorme. C'est presque du documentaire. Enfin, il y a très peu de mise en scène. Il y a de la mise en scène, pardon, c'est un abus de langage que j'utilise, mais en tout cas, c'est pas très découpé. C'est pas. Non, et en plus, là où je te rejoins totalement, c'est que c'est tellement inspiré de vraies expériences de sa vie. Qu'il y a forcément ça. Et là, pour te dire, dans le dispositif, en fait, elle a enregistré avec son vrai compagnon, eux en train de se raconter le débrief de leur voyage, parce qu'en fait, elle écrivait son film après être rentrée du voyage. Et dans le film, elle est elle-même réalisatrice en train d'écrire un film. Et il y a une scène où ils sont au lit en train de se souvenir de ce qui s'était passé. En débriefant parce qu'elle est en train d'écrire le film. Et elle avait mis une oreillette à Philippe Catherine qui rejouait la scène qu'ils avaient vraiment enregistrée dans le lit. Donc il y a aussi des trucs de dispositif. Ouais. Mais oui, effectivement, c'est des petits questionnements de coup. Toutes les petites embrouilles à la con. À un moment, ils vont louer une voiture et puis ils arrivent pour prendre le ferry. Lui, il va prendre les tickets pour le ferry, je crois, et elle va pour garer la voiture, et elle laisse la voiture à un gars. Et après, il y a toute la conversation. Comment ça, t'as laissé la voiture à un gars? Elle a dit, bah non, mais je vois pas, il m'a laissé un ticket, il peut rien m'arriver. Et tu vois, t'as juste ces petits détails de, mais comment ça, t'as laissé la voiture à un gars? Ouais, mais ça, j'aime beaucoup, moi. Et je trouve ça vraiment, vraiment bien foutu. Et en fait, elle vient d'un style de comédie très, très, très fauché. Ouais, bien sûr. Sur ses premiers films, où vraiment. Les coquillettes, c'était un film où elle racontait un peu sa vie en festival, donc toujours des trucs très autobiographiques. La vie orange, c'était un de ses premiers films. Et je trouve que son cinéma gagne à faire ça. Elle va vers du cinéma un peu plus grand public en faisant appel aussi à des comédiens plus réputés. Et ça fonctionne pas mal et j'ai hâte de voir ce qu'elle va faire par la suite. Moi, j'avais deux petits films, alors pour le coup très connus, mais qui je trouve sont assez symptomatiques d'un ton où je me suis dit « Ah, je suis content que ça existe ». Récemment, il y a eu « L'Innocent ». De Louis Garrel, où je me suis dit « Ah putain, c'est un ton de comédie très plaisant. » Parce que pareil, on est dans un truc où sur le papier, ça pourrait faire auteur parce que Louis Garrel, parce que machin, très écrit. Mais en même temps, c'est des situations de comédie, comment dirais-je, que tu pourrais retrouver dans un film avec clavier, quoi. Enfin, tu vois, sauf que d'un coup, avec des trucs où il faut se faire passer pour quelqu'un, et puis ça marche pas très bien, et puis des plans qui merdent, et puis des choses comme ça. Il y a plein de beaux personnages, notamment le personnage de Noémie Merlant, dont on n'a pas beaucoup parlé, mais elle est vraiment très très marrante, alors qu'on l'a surtout vue dans des films très très dramatiques. Il révèle des talents finalement dans ce film, quoi. Oui, parce que même c'est Anouk Grimbert qu'on revoit et qui, enfin moi en tout cas, je l'avais moins vue, elle a jamais arrêté de tourner, mais. Enfin, je l'ai vu elle avait un peu la vie disparu, à l'époque, évidemment, des choses comme ça. Mais c'était la compagne de Bertrand Blier. Oui, c'est ça. Mais ces derniers temps, je l'avais moins vue. Et là, dans ce film-là, elle est touchante, elle est drôle. Et Roche Dizem aussi, quand même, qui est vraiment toujours impeccable. Quoi. Et moi, j'avais beaucoup. Moi, c'est ça que j'aime bien au cinéma. Quoi. J'ai rigolé, j'ai un peu pleuré. À un moment, j'étais un peu tendu. Enfin, voilà, j'étais sorti avec toutes les émotions que j'aime bien avoir au cinéma. Donc, ça, j'avais kiffé. Et il y avait un film que j'avais beaucoup aimé aussi qui s'appelle Play de Anthony Marciano avec Max Boublil, entre autres. Il y avait aussi Alice Izaz, Arthur Perrier que j'embrasse, que j'ai la chance de connaître. Et pareil, c'est un film super attachant parce que c'est un found footage aussi. En gros, c'est un gars qui s'est filmé, on lui a offert un caméscope quand il avait 10 piges. Et en gros, il se filme jusqu'à aujourd'hui, quoi. Et surtout dans sa première partie qui est une partie très nostalgique. Et en gros, c'est très marrant parce que j'ai l'impression que c'est le premier film que j'ai vu au cinéma qui parle autant à ma génération. Moi, je viens d'avoir 30 ans. Et dans les refs, et par exemple, il y a une blague qu'on a beaucoup entendue dans la vie, mais je l'avais jamais vue dans un film, où ils vont à la fête dans la musique, de la musique, et tout le monde joue Wonderwall, quoi. Et ils en ont plein le cul, et en fait, ils arrêtent pas de filmer des mecs dans la rue qui reprennent Wonderwall à la guitare sèche. Et je la connais, cette vanne, tu vois. Je m'étais fait la réflexion, moi aussi. On l'a déjà un peu lu sur Twitter et tout, mais d'un coup, c'est dans un film. Ouais. Et tout ça, c'est vachement bien. Et ça traverse plusieurs époques. En plus, ouais, c'est du fun footage sur plusieurs années. C'est ça, ils ont fait un vrai bon taf aussi sur les acteurs qui jouent les versions ados. Enfin, genre, il n'y a aucun moment dans le film où tu fais oula, non, toi, t'es pas Max Boublil, etc. Non, au contraire, ils ont fait un taf vachement bien, puisque presque. Enfin, moi, j'adore la partie justement où ils sont adolescents. C'est ma partie préférée du film. Après, le film devient un peu plus une comédie romantique. Mais il y a des trucs très réussis qui peuvent être ratés dans ces films-là. Par exemple, tu vois, à un moment, ils vont, ces deux potes, ils gèrent l'anniversaire de leur gamine de 6 ans, et ils se font chier, ils sont un peu bourrés ou défoncés, je sais plus, mais c'est des scènes qui peuvent être très mal faites parce qu'on les a un peu déjà vues, et dans ce film-là, elles sont d'une justesse, et c'est drôle, et c'est touchant, et je sais qu'ils ont mis beaucoup de pognon dans la BO, ce qui sert le film, en fait, parce que d'un coup, effectivement, ça rentre le truc dans quelque chose de très concret, parce que bah, t'as. Des chansons très connues de chaque époque, bah Wonderwall typiquement ou des choses comme ça, et d'un coup ça donne un cachet de ouf au film, quoi. Et voilà, et c'est un film, je l'ai un peu, je sais qu'il a pas cartonné en salle ou des choses comme ça, et je le trouve vachement cool là-dessus. Il tient bien son concept de, parce qu'au début quand il a une caméra, il joue avec la caméra, donc il refait des sketchs des nuls ou des inconnus, il fait semblant de faire des pompes en mettant la caméra sur le mur de côté, donc il s'amuse à faire des petits sketchs chez lui. Et tout ça, c'est vachement touchant, en fait. Ouais, moi, ça m'a vachement parlé. C'est bien de tenter des trucs, de laisser ouvrir sa créativité. Et justement, ouais, tu parles de ça. Souvent, les films, les comédies reproduisent des recettes qui ont déjà été faites. Et on se retrouve à revoir à peu près les mêmes films semaine après semaine. Donc, c'est bien quand il y a des initiatives comme ça, d'inventer de nouvelles formes, de tenter des nouvelles choses en comédie, même si ce n'est pas forcément toujours super réussi ou parfait de A à Z. Ouais. Non, là, c'est vraiment cool. Et puis, c'était la team qui avait fait Les Gamins aussi, qui était un film que j'avais vraiment aimé. J'aime beaucoup aussi. Et ils ont un truc quand même qui marche vraiment bien. Et voilà, donc Play d'Anthony Marciano, que je vous conseille. Bon, les amis, ça fait 2h30 qu'on parle. Je crois qu'on a abordé pas mal de trucs. Hein. Il ne doit pas nous rester grand-chose, hein. Honnêtement. Franchement, on a parlé de Finesse, de Coluche, Weber. On pourrait développer chaque point pendant 3 heures. C'est ça. Mais, j'espère qu'on vous a donné envie de mater des films, en tout cas de remater des films, parce que bon, je pense qu'il y en a pas mal que vous avez déjà vu. Et en tout cas, c'est toujours un plaisir, les gars, de parler avec vous de tout ça. On va quand même juste reparler vite fait de votre chaîne. Donc, Calmos. Donc vous parlez, vous avez plusieurs formats en fait, c'est ça. Ouais. Donc effectivement, celui qui est un peu le plus en rapport avec ce qu'on raconte, c'est effectivement Rigolo, où vous parlez de comédie en France. Mm-hmm. Et donc c'est ce que je disais. Alors on peut reparler quand même un petit peu. Là vous avez. Alors comment ça s'appelle ? C'est le lien, c'est ça ? Comment ça s'appelle ce format ? Ouais. On a sorti un nouveau format qui s'appelle le lien, et le principe c'est d'aller d'un film A à un film B par des connexions diverses et variées. En gros c'est un peu un format d'anecdotes sur le cinéma, mais en fait il y a deux objectifs, c'est parler d'anecdotes et recommander des films. C'est ça. Et au lieu de le faire sous la forme d'une liste ou quelque chose comme ça, c'est des connexions. Ça rejoint un peu une de mes obsessions, de ce que je faisais avec Movieland, de tracer des routes entre les films. Oui, alors pour expliquer, oui, David, tu as écrit... en fait, j'ai d'abord conçu la carte, qui est une sorte de poster géant avec plus de 1800 films dessus, qui sont répartis par région, par genre, par thématique. Il y a le désert du western, la vallée du drame, etc. Et dessus, les villes sont des films, et sont reliées par des routes. Et en fait, si tu suis une route, tu as des films qui sont connectés les uns aux autres. Mais alors, sur la carte de Movieland, dont du coup j'ai tiré aussi un livre qui est un guide qui suit différentes thématiques dans la carte. Deux livres même. Deux livres. Dire, ouais. Alors il y en a un qui est épuisé maintenant. Ah ok. Le deuxième a moins marché. Et le jeu de société est épuisé aussi. On ne peut plus acheter que le premier livre. mais c'est celui dans lequel il y a la carte, donc c'est le plus intéressant à acheter. Disons que les connexions de Movieland sont assez naturelles parce que c'est le genre, la thématique, donc tu vas avoir les westerns sont liés les uns aux autres, alors qu'avec le lien, on préfère justement faire des connexions complètement inattendues. C'est-à-dire que déjà, d'une borne à l'autre, par exemple, le premier épisode va de Fenêtre sur cour à Tropic Thunder. Tropic Thunder. Ouais. Et en fait, au milieu, on passe par des époques, par des genres, par des styles complètement différents. Ouais. Voilà. Et là, vous avez sorti un sur où vous reliez les Tontons Flingueurs à Get Out. Exactement. Ouais. Voilà. Et la première connexion, c'est les Tontons Flingueurs et Laurence Anyways de Xavier Dolan. Donc, il faut voir la vidéo pour savoir quel est le lien entre les deux films. C'est ça. Et vous faites aussi des formats, parfois juste, ça s'appelle On a une théorie. Ouais. Vous avez fait un sur DiCaprio et un aussi que j'ai beaucoup aimé sur les aliens. Et enfin voilà, vous avez plusieurs formats, quoi. C'est ça qui est cool. Et là récemment, donc on l'a dit aussi sur les IA et sur le film AI de Spielberg. C'est ça, c'est avec ça. Ce twist d'essayer de converser avec ChatGPT. Ouais. On le fait incarner du coup par une voix artificielle dans la vidéo. Donc faut passer. On a quelques commentaires de gens qui sont gênés par la voix. Ah bon ? Bah, parce que, ouais, en fait, c'est vrai que c'est pas si agréable à écouter une voix synthétique, mais faut passer outre ça, parce qu'une fois que t'es embarqué par le truc, t'es dedans. Il y a des gens qui adhèrent pas à l'idée des intelligences artificielles aussi, que ça fait peur, on a peur de... Ouais. Mais ce qui en est ressorti, même nous a étonné, en fait, le dialogue, l'échange, on a même été un peu émus. Franchement, on passe par plein d'émotions dans cette vidéo. Non, j'invite les gens à la regarder, et aussi... Quitte, j'en suis à conseiller votre travail. Vous aviez fait un épisode de rigolo sur Victoria de Justine Triet. Justine Triet. Avant qu'elle ait la Palme d'Or. Voilà, mais c'est pour ça que j'en parle. Parce que voilà, elle a eu la Palme d'Or récemment pour son film Anatomie d'une chute. Mm. Avec plein de gens qui avaient des avis très intéressants. Écoutez bien mon sarcasme dans ma voix. Sur sa victoire, selon moi, amplement méritée. Et là, vous avez effectivement fait une vidéo sur Victoria qui a. Ouais. J'adore ce film, Victoria, qui est une comédie très drôle avec Vincent Lacoste et Virginie Efira. Voilà, justement, questionnait le fait que on voit peu de comédies réalisées par des femmes, et c'est dommage. Bah et on se posait la question de pourquoi il y en a peu, pourquoi on en voit peu. Même des comédies où des femmes sont les premiers rôles. Hein, également. C'est vrai que c'est assez. C'est assez le désert. Là-dessus. Et donc on se posait la question à partir de ce film, et on citait plein d'autres films réalisés par des femmes qui sont superbes, comme notamment Énorme de Sophie Le Tourneur. Ouais. Après il y a les comédies aussi, plus récemment avec Laure Calamy aussi qui est. Ouais. Je recommande par exemple Bonne Conduite ou Antoinette dans les Cévennes. Enfin, ouais, bien sûr. Et... Bah, elle a un clown, hein, de toute façon. Non, mais c'est vrai. Mais parce que nous, pour la petite anecdote, je ne sais pas si j'ai le droit de raconter ça. Bon, écoutez, je me ferai peut-être engueuler. Mais dans La Flamme, lorsqu'elle a mis joue dedans, et en fait, elle a remplacé une extrémiste, une actrice, qui a dû se désister au dernier moment. Et qui n'avait rien à voir. Enfin, vraiment, on n'avait pas du tout écrit le rôle pareil. Et d'un coup, lorsqu'elle a mis, on s'est dit, mais en fait, elle a le. Bah ouais, le génie de tous ces grands acteurs de comédie, de Funès, Clavier, etc. Le Mercier, pour citer une femme. Elle l'a vraiment fait à sa sauce, quoi. Et d'un coup, c'est devenu un personnage de Laure Calamy. Et elle est trop marrante dans La Flamme, quoi. Mais elle l'a vraiment fait à sa sauce et j'étais assez fasciné. Elle n'a pas bougé une ligne de texte. Ouais. Et quand même, c'est devenu un personnage de Laure Calamy, quoi. Ce qui est quand même la marque des grands acteurs de comédie. Et d'ailleurs, La Flamme, c'est intéressant. Justement, enfin, en prolongement de notre vidéo sur ce qui a longtemps été la place des femmes dans la comédie française, une série. Enfin, en fait, il y a une telle variété de rôles féminins et à chaque de couleurs comiques différentes que c'est hyper intéressant, encourageant pour l'avenir. Même si bon, là, on a été que entre mecs de comédie. Ouais, ouais. Et on n'a pas cité beaucoup de femmes. On aurait pu réaliser citer Colin Serrault aussi. Colin Serrault, pardon, qui avait fait Trois hommes et un couffin aussi. On a parlé un peu de Daniel Thompson. Qui a fait La Bûche, enfin voilà. Agnès Jaoui, évidemment, moi, ça, on en a un peu parlé. C'est mais, ça. Mais oui, on a des. Et puis surtout, ce qu'on a, en France, on a des actrices, pas forcément, qui ne sont pas rentrées dans le jeu, d'acteurs par la comédie, oui. Qui s'avèrent être des génies de la comédie. On parlait de Noémie Merlan tout à l'heure. Il y a Exarchopoulos, j'ai l'impression que les gens découvrent à quel point elle est drôle à chaque fois qu'elle fait de la comédie. Moi, j'ai eu la chance de tourner avec Charlotte Gainsbourg à ça aussi à chaque fois, où dès qu'elle joue dans une comédie, les gens disent, mais en fait, elle est trop forte en comédie. Je fais, mais oui, mais Charlotte Gainsbourg, moi, c'est ce que je me tue à dire. Enfin, encore une fois, j'ai eu la chance de l'avoir dans mon film. Elle a joué les dialogues. Peut-être des plus grands auteurs de dialogue français, quoi, puisqu'elle a joué du Blier, du Daniel Thompson dans La Bûche, du Toledo de Nakache dans Samba, du Chabat dans Prête-moi ta main. Enfin, elle a fait beaucoup de comédies, quoi. Et on a des grandes actrices de comédie en France. C'est juste qu'elles ne font pas que de la comédie. Ouais, c'est ça. Et puis il faut qu'il y ait des gens qui écrivent, qui aient l'imagination pour trouver les personnages qui vont avec ces actrices, quoi. C'est ça. Ou même qui peuvent aller au-delà. Enfin, moi, je trouve que le travail, par exemple, que fait Dupieux avec Anaïs de Moustier, c'est hyper intéressant parce que ça. enfin, ce qu'elle propose dans ses films n'a rien à voir avec ce qu'on peut connaître d'elle ou s'imaginer d'elle dans ses autres rôles. Mais s'il l'a casté, c'est qu'il avait imaginé qu'elle pourrait faire. Bien sûr, peut-être c'est vrai qu'elle la connaît ou qu'il a fait sur avec le elle. Je sais que, par exemple, sur le tournage de Au Poste, elle a un accent du Nord et c'est elle qui a eu l'idée de trouver le truc. Et donc, c'est un travail coordonné. Ouais. Mais sur ça, enfin tout ça, c'est vrai que encore pour le moment, ça reste les comédies qui sont pas encore les grandes comédies populaires d'aujourd'hui. C'est vrai que. Enfin, nous-mêmes, on se reconnaît plus et on préfère dans la comédie française contemporaine des films où souvent on est un peu déçu du résultat, quoi. Enfin, pas du résultat en termes de qualité, mais du score. Bien sûr. Et à l'inverse, peut-être qu'on se reconnaît moins dans les plus gros succès du box-office. Encore que moi franchement, j'étais très surpris. Tu vois, par exemple, Philippe Lachaud. Oui. Donc j'étais pas forcément fan de certains de ses films, ouais. Et je suis allé voir Alibi.com 2. Ouais. J'étais pas un grand fan du 1, je le dis en toute honnêteté, et j'ai adoré le 2 parce que je trouve qu'il y a un truc justement presque d'orfèvrerie dans la façon de faire les gags, une générosité, mais que je retrouve dans très peu de films en vérité de comédie populaire où tu sens que c'est blindé à ras-bord de blagues et qu'il y a un peu un truc dans lequel je me reconnais aussi d'une certaine manière, parce que c'est un peu notre ambition qu'on a eue avec La Flamme et le Flambeau, de t'as une blague à 1 minute 2, et si elle te plaît pas, il y a une blague à 1 minute 4, et si elle te plaît pas, il y a une blague à 1 minute 6, ouais. Et qu'en gros, on va plus dans un truc où prenez, et dedans, peut-être que vous aimerez pas tout, mais vous sortirez en ayant rigolé quand même assez régulièrement devant le film, et je reconnais ça dans le cinéma de Lachaud, en tout cas dans ses derniers films, je connais moins ce qu'il a fait, même si j'avais beaucoup aimé Baby Sting 1. Et bref, en tout cas, moi, il y a des trucs où je suis content. Et même L'Innocence a quand même eu un petit succès, même public, en vérité. Oui, je veux dire, c'est pas non plus c'est pas les films qui font des millions d'euros. Oui, non, je suis d'accord. Mais malgré tout, il y a aussi des Intouchables, Le Grand Bain. Ouais, c'est ça. Même Bienvenue chez les Ch'tis. Enfin, il y a quand même encore des très, très bonnes comédies qui cartonnent. C'est ça. Et des acteurs qui sont des véhicules forts en comédie. Tu parlais de Laure Calamy. On parle de Jonathan Cohen, enfin voilà, des gens qui, en tout cas, Ninet, enfin des gens qui amènent avec eux, où tu dis, j'ai hâte de voir leur prochaine comédie. Ouais, quoi. C'est ça. Voilà. Bon, merci les gars, merci beaucoup. Bah, merci. Oh, merci tout le monde, ciao, bye, salut. Il s'agissait du flow de cast. Pardon. Je vais vous présenter l'offre de parrainage EDF. Papy, qu'est-ce que tu fais là? Il faut partir maintenant. Hein? Ah bon? Ben oui, maintenant, c'est le filleul qui gagne le plus. Jusqu'au 31 décembre, souscrivez un contrat d'électricité en offre de marché et devenez filleul pour bénéficier de 40 euros remboursés sur votre facture d'électricité. Infos et conditions sur edf.fr/parrainage. L'énergie est notre avenir, économisons-la.